look like the mother bitches. Lift them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from my fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Lundi, c'est le 19 septembre. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon week-end. L'équipe de Bruno dans la radio, on arrive chez vous, là on est au taquet, on va être en direct d'ici 2-3 minutes. Enfin, oui. On l'est déjà, mais je veux dire, on va attaquer vraiment l'émission juste après 6h. Il y a Elliot qui est bonjour. Là, il y a Vaché, il y a Christina, oui. Il y a le son de Fun Radio là dans la demi-heure, on va attaquer avec Sib. Avec Brice, il y aura Major Lazer, Justin Bieber. Et dès maintenant, vous appelez le 3228. Tout ou gagné, tout ou perdu. Gros cadeau là pour attaquer la matinée. iPad Mini 4, entre autres, à vous filer. 3228 pour jouer avec nous. Si vous êtes en Belgique, 02 85 10 000, ça marche aussi. Et puis Cachemire avant 6h30. L'équipe de Bruno dans la radio. On est chez vous après les news. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Le point sur l'actu de ce lundi 19, les premières infos là de ce matin avec Maxime Poulaouec. Salut Max. Bonjour Bruno, bienvenue à tous sur Fun Radio. On commence par la météo, un ciel nuageux sur les trois quarts du pays. Quelques averses du nord à l'Île-de-France et de l'Alsace à l'Auvergne. Plein soleil sur la Méditerranée, mais du Mistral et de la Tramontagne. Il fait 13 à 16 degrés ce matin. Dans l'après-midi, comptez 17 à Cherbourg, 20 à Lille, 21 à Paris, Lyon et Bordeaux, 24 degrés à Ajaccio, 25 à Perpignan. Des centaines de policiers à Châtelet en plein cœur de Paris, c'était samedi après-midi après une fausse alerte attentat. Les enquêteurs privilégient la thèse d'un acte malveillant qui serait l'œuvre de hackers. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires et divulgation de fausses informations afin de faire croire à une destruction dangereuse. Aux États-Unis, la piste terroriste est dans tous les esprits. Le pays a subi samedi deux attaques à la bombe à New York et dans le New Jersey et une attaque à l'arme blanche dans le Minnesota, même si aucune piste n'était encore écartée. Ces attaques ont fait au total 38 blessés et seule celle du Minnesota a été revendiquée par l'État islamique. Jacques Chirac est à l'hôpital. L'ancien président de la République a été admis hier à la Pitié-Salpêtrière à Paris pour une infection pulmonaire. Il a dû être rapatrié du Maroc où il séjournait en urgence et restera en observation plusieurs jours. Jacques Chirac fêtera ses 84 ans au mois de novembre. Un beau succès pour les Journées du Patrimoine. La 33e édition de l'événement a rassemblé 12 millions de visiteurs 17 000 sites, un week-end placé sous le signe de la citoyenneté. Le Palais de l'Élysée a accueilli à 20 000 visiteurs, l'hôtel Matignon 6 700. Un mot de football et la fin hier soir de la 5e journée de Ligue 1, pas de but entre Marseille et Lyon au Vélodrome, 0-0 peu avant Saint-Etienne dominait Bastia 1-0 et Montpellier et Nice quittaient sur un match nul 1 partout. Au classement, Monaco est toujours leader. 6h02, c'est lundi matin, vous êtes sur Fun Radio, merci et on retrouve Bruno. Bruno on Fun Radio. Lundi, nous sommes le 19 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h03, bonjour. Bienvenue la famille. Oui, bienvenue. Bienvenue dans le premier Morning Dance Floor de France. Celui qui chaque jour crée la nouveauté. Et alors ce matin, les amis, nous lançons une semaine exclusive. Car vous, auditeurs de Fun Radio, vous allez pouvoir participer avec nous au casse du siècle. Et quand je dis le casse du siècle, c'est au-delà. Puisque vont s'ouvrir à vous les portes de l'entrepôt Cdiscount, numéro 1 du e-commerce en France. Vous voulez acheter une nouvelle télé, vous pouvez passer chez eux. le nouvel iPhone qui est sorti vendredi, vous le voulez, vous pouvez passer chez eux. Eh bien, nous allons aller directement leur entrepôt avec 5 auditeurs et 5 auditrices de Fun Radio, d'accord ? Qui vont avoir une minute à tour de rôle pour prendre ce qu'ils veulent à l'intérieur de l'entrepôt. Et quand je dis ce qu'ils veulent, il n'y aura pas du comptage. Oh là ! Il n'y aura pas un gars chez Cdiscount qui sera dans les couloirs en train de dire « Non, non, non, vous avez déjà pris 18 iPhones, ça suffit, vous sortez maintenant, vous allez ruiner la boîte. » Vous vous débrouillez comme vous voulez, si vous voulez en prendre 130, à partir du moment où vous arrivez à les porter, vous vous démerdez, vous partez avec. Vous avez le droit. Alors, mais il y a de l'électroménager aussi, c'est ah ouais. Donc tu peux te prendre ton lave-linge, ton téléviseur, ouais. Ton lave-vaisselle, tu te débrouilles. Il y a aussi des tringles à rideaux, j'ai vu de tout sur ces c'est un délire. Ça va se jouer ce matin avant 9h15 en direct sur Fun Radio. Et c'est la première fois que ça se fait en France. Et ça va se faire chez nous, ça fait plaisir. Ah ouais. L'équipe de Bruno dans la radio est là, qui participera aussi. Il y a Christina qui est là ce matin. Moi, je me prépare. Hein. Je peux vous dire que je m'entraîne de façon sportive et assidue. Hein. Ce que tu rentres, c'est comme dans les films d'espionnage, dans la gaine super moulante. Ah bah bien sûr. Je te poserai pas la question, les notes. Non, moi, il me faut deux gaines si tu veux que je rentre dedans. Une pour chaque jambe. Non, mais moi, je suis chaud. Hein. On peut tirer des téléviseurs ou pas, nous aussi ? Non, c'est pas tirer le mot qu'on emploie. Oh là là. On essaye de faire un truc un peu classe, un peu à la Ocean's Eleven. Tu vois ce que je veux dire, Elliot ? Pardon, je vais me faire engueuler. Non, lui, Elliot, dans Ocean's Eleven, c'est le mec qui lâche une caisse dans la pièce et ça déclenche l'alarme. Tu vois, c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'on a fait un petit film, justement, qu'on va mettre en ligne ce matin. Rapport avec Ocean Seven. Je peux pas vous en dire plus. Bon, ce sera ce matin. Vous l'avez compris, grosse émission, une nouvelle fois en perspective, un gros lundi, car nous sommes fournisseurs officiels de lundi réussi sur Fun Radio. Et pour attaquer l'émission, eh ben c'est Maxence qui est avec nous. Il a 16 ans, il est à Belfort. Applaudissements pour Maxence. Bonjour. Brille dans la radio. Wow. Maxence, t'es l'auditeur du jour. Jusqu'à 9h15, cette émission, c'est la tienne. Yeah. 16 ans, t'es en quelle classe ? Je suis en première. D'accord. Et en première, tu crois qu'on peut te laisser dire « Yeah » sans te traiter de ringard ? Tu crois vraiment qu'on peut faire ça ? Ouais, parce qu'on est lundi. D'accord, très bien. Première quoi ? Première bac pro dans l'audiovisuel. Très bien. Ah ben, bah, tu vas venir nous piquer notre place d'ici quelques années. Pourquoi pas ? Nous, ça nous fait pas rire, en fait. Hein. On a besoin de ce salaire. Maxence, mon pote, en étant l'auditeur du jour, tu as un privilège. Celui de poser une question à un des membres de l'équipe, n'importe lequel, et il est obligé de te répondre. Qui choisis-tu ce matin ? Je vais choisir Vacher. La question du jour est à Monsieur Vacher. Vas-y, mon petit. Alors, quel est le dernier achat que tu regrettes ? Ah, c'est pas con ça comme question. J'en ai plein, je crois. Le dernier achat que j'ai regretté. Dernier. Pas plein, juste un où tu te dis ah merde, j'aurais pas dû. C'est ma PS4, je crois. J'ai acheté ça, je suis con. J'ai acheté ma PS4 en fait juste avant que ma femme tombe enceinte. Donc forcément, elle a commencé à me stresser, elle a commencé à être plus souvent à la maison, donc impossible de jouer. Et là, il y a le bébé qui arrive, donc impossible de jouer. Je vais jamais pouvoir jouer avec ça, c'est horrible. C'est une bonne question, cela dit, Maxence. Christina, c'est quoi toi ? Moi, c'est une salopette. L'ai portée une seule fois et depuis elle est dans mon armoire et je la reporterai jamais. Je trouve que ça me va pas du tout. Et en même temps, ça va à qui la salopette ? À part aux mignons. Je suis d'accord. Ça, c'est rigolo. Mais pour les humains, bon. Elliot, c'est quoi toi le dernier achat que tu regrettes ? Est-ce que tu veux qu'on réponde ensemble et en cœur ou pas du tout ? Je sais ce que tu vas dire. Alors à 3, 1, 2, 3, l'iPhone. Nouvel iPhone. Mais pourquoi ? Mais en fait, il a rien de différent avec l'autre en fait. C'est le même. Heureusement que moi, mon téléphone est cassé. Depuis qu'il est cassé, j'économise pour l'acheter. Oui, je suis fan. Heureusement que je suis fan d'Apple. Ouais. Et que je suis un pigeon. Parce que franchement, sinon. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien qui change. Mais c'est même l'appareil photo. Ils ont dit que c'était génialissime. Ouais. J'ai pris des photos ce week-end. Je vois pas la différence. Je pense que si t'as fait vraiment un bac spécialisé sur la photographie, si t'es branché en photo optique et tout ça, tu dois avoir un truc. Mais monsieur tout le monde, il verra pas la différence. Alors moi j'ai eu un mail de ton banquier, apparemment lui il a vu la différence. C'est ça. C'est le seul truc en fait. Tu sais quoi Maxence, c'est un bon sujet ça. Tiens, pour attaquer l'émission ce matin, au 32-28, vous nous appelez, vous nous dites le dernier achat que vous avez regretté. Tu sais, les trucs impulsifs, t'achètes et tu dis « Oh merde, ça peut être de la fringue, ça peut être de l'électroménager. » vous nous dites ce que vous voulez. On va faire de la radio ensemble avant 6h30. Maxence, on t'embrasse, mon pote. Ouais, bisous. Passe une belle journée. Ciao, ciao. Mais moi, on n'a pas de partenariat avec Apple, rassurez-moi. Parce que le dernier achat avant ça que je regrette, c'est l'Apple Watch. Genre, je suis vraiment un pigeon, je me fais avoir à chaque fois. Faut que j'arrête, je crois. Ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire que moi, sur le nouvel iPhone, il y a même des trucs que j'arrivais à faire avec l'ancien et que le nouveau, j'y arrive plus. Tu déconnes. Peut-être que je suis un peu con. Si le toutou gagné, toutou perdu, ça arrive dans 3 minutes. On attaque l'émission avec Sib. C'est Fun Radio. Bienvenue. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Da, da, da. Don't try your moi, j'aime bien la guitare de la fin, ça apporte un petit peu de guitare acoustique sur une radio dance floor. Ce petit côté Francis Cabrel à la fin de Cib ne me déplaît pas, les amis. Coldwater, Major Lazer, Justin Bieber. C'est ce qui arrive sur Fun Radio. On va jouer dans quelques secondes. Ah. L'alerte people, ça peut tomber n'importe quand. Ouais, c'est la nouvelle version de Bruno dans la radio. Dès qu'une info people est en train de passer dans la planète Twitter, ça arrive chez nous. Je suppose que tu vas nous parler des Emmy Awards. Bah oui, puisque c'était cette nuit, c'était l'événement de la nuit. Ça récompense la télé américaine. Et donc, je vous ai fait un petit résumé rapide. Game of Thrones, parce que je sais que vous êtes fan dans cette équipe. Ouais. Eh bien, sachez qu'elle est devenue cette nuit la série la plus récompensée de l'histoire des États-Unis. T'imagines ? Alors, ils ont jamais quoi, comme... une série n'a été autant récompensée. Bah, oui, mais en même temps, entre les décors, les comédiens, etc. En fait, ils ont eu 4 titres cette nuit. Ouais. Mais en fait, ils ont cumulé tous les titres, toutes les récompenses depuis 6 saisons maintenant, ouais. C'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, ça en fait la série la plus titrée de l'histoire. Et parmi les autres séries récompensées, peut-être que vous connaissez, c'est VIP et The People v. O.J. Simpson. Les deux autres séries hyper récompensées cette nuit. VIP, je connais, vous pouvez aller voir. C'est avec Julia Louis-Dreyfus, voilà, qui est une actrice comique. Et c'est pas mal, c'est genre une actrice, elle veut devenir présidente et elle fait sa campagne. Et c'est drôle, genre c'est un truc politique qui est un peu drôle. Ce serait pas ton métier de pitcher les séries, toi? Voilà, je travaille pour Allociné en parallèle, je l'ai plus dire depuis longtemps. On salive, là on salive, quoi. Bah, voilà. Oh, le pitch de ouf. Elliot, il te raconte une série, t'as plus envie de la voir. Comment te dégoûter d'une série en quoi? En 10 secondes, à peine. La dernière série que t'as suivie, c'est quoi, Elliot, que t'as vraiment outre-kiffé? Ah là, c'est vraiment Arrose. Arrose, alors est-ce que tu peux nous pitcher Arrose? Ah bah Rose, c'est un mec genre qui a été en bateau, il s'est perdu, ouais. Et il est devenu justicier pour sa ville. Ah. Et il a mis un masque vert, genre, et il tire à l'arc. Wow. Ouais, c'est normal, il s'est perdu en bateau. Génial. C'est pas mal. C'est Fun Radio, 6h15. Toto gagné, toto perdu de ce matin. Premier candidat de la matinée, il s'appelle Sullivan. Il habite à Enbourne dans le 56. Il est électronicien. Applaudissements pour Sullivan. Bonjour Bruno, bonjour toute la famille. Bonjour. Salut. Comment ça va Sullivan? Ça va et vous? Ça va super bien. Sullivan, c'est un nom de prénom de bande dessinée. Sullivan, tu pourrais être un renard dans Franklin la tortue, je pense. Oh, regarde, c'est le regard Sullivan. Et il serait sympa d'ailleurs, ouais, Sullivan serait sympa en dessin animé. Sullivan, électronicien, c'est ce que je disais tout à l'heure. T'as fait quoi de beau ce week-end du côté d'Enbon dans le 56? J'ai animé une soirée. Ah, t'es DJ aussi? Oui. Électronicien et DJ, d'accord. Okay. Et renard, ça fait beaucoup. Hein. Mais alors attends, tu bosses dans un club ou tu fais des soirées un peu comme ça? Non, privé pour des familles. D'accord, et bien sûr, tu ne le déclares pas aux impôts. Hein. Voilà, ça c'est petit sourire qui veut dire oui, hein. Mais ne t'inquiète pas, les agents du fisc n'ont pas encore la reconnaissance vocale, quoique, je rappelle que tu habites avenue Charles de Gaulle à Enbon, au 232 Sullivan, dont le nom de famille est Durand. Alors Sullivan, en arrivant sur Fun Radio ce matin, tu viens de gagner 4 cadeaux. Ces 4 cadeaux sont l'iPad mini 4, d'accord? Oui. Je rajoute un appareil photo numérique. Je rajoute ton casque Beats, d'accord? D'accord. Et une compile Bruno dans la radio, ce sont de très très beaux cadeaux. Oui. Seulement pour les garder, il va falloir que tu répondes correctement à 4 questions que je vais te poser, car chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. Est-ce que tu es prêt, Sullivan? Oui, je suis prêt. Eh ben, c'est parti. 85% des hommes qui ont une attaque cardiaque pendant un rapport sexuel sont en train de tromper leur femme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais dire vrai. Et c'est vrai. Ah oui. Mais non. Mais c'est hallucinant. En fait, c'est qu'avec ta femme, t'as tellement plus de sensations au bout d'un moment que ton cœur, il risque rien, quoi. Tu sais que même quand tu fais l'amour avec elle, ton corps, il est en mode c'est bon, je connais le chemin. Alors qu'avec la maîtresse, il y a un côté, oh, c'est nouveau, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est folie, mais c'est dangereux, du coup. C'est ça. Avec ta femme, tu peux t'endormir pendant le rapport. Ah ouais, souvent c'est elle qui dort, mais je la réveille pas, je suis sympa. Sullivan, tu gardes tous tes cadeaux. Deuxième question. Ouvrir le courrier de quelqu'un d'autre sans son autorisation est passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a tellement de lois cheloues, je vais dire vrai. Ouais, mais la plupart du temps, tu fais pas exprès. C'est si on a glissé ton courrier et tu regardes pas le nom et tu l'ouvres, tu vois. Le côté je fais pas exprès, c'est la lettre couvre ta femme qui bizarrement est écrite avec une petite encre bleue, azur et des fleurs et des cœurs dessus. Je pas fait exprès. Moi, j'ai fait ça parce que souvent, quand tu loues un appartement, tu reçois le courrier des gens d'avant, quoi. Ouais. Il y avait une nana, j'avais reçu un truc Amazon. Je me suis dit, je vais le garder. Ça avait l'air d'être un DVD. J'ai ouvert. Et en fait, c'était des stickers pour tétons. Ah, c'est fort. C'est-à-dire que c'est des protège-tétons. Ouais, je vois très bien que tu pointes, en fait. Tu sais que moi, dernier courrier que j'ai ouvert, donc pareil, c'est arrivé à mon adresse et c'était la mauvaise adresse, mais ouais. Je l'ai ouvert parce que c'était la Barclays Bank. Ah, d'accord. Ouais, et la Barclays, c'est vraiment la banque des gens qui sont blindés. Ça fait genre banque américaine. Je vous avais raconté ce truc. Non. Et en fait, le mec avait sur son compte 21 millions d'euros. C'était un relevé de compte. Et le mec, je te jure que c'est vrai. Il avait 21 millions d'euros. Oh. C'était un galeriste, mec qui avait une galerie d'art. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je l'ai gardé. Tu sais quoi, je vous en parle parce que j'ai dû jeter le papier la semaine dernière en faisant le tri dans mes papiers où je me suis dit je vais pas le garder. Mais pendant longtemps, je l'ai gardé pour voir ce que ça faisait d'avoir 21 millions sur un compte en banque. Et après, tu vas sur caissedépargne.fr, tu vois, créditeur de 18 euros. Oh, c'est ça. Bon, Sullivan, tu gardes tous tes cadeaux. Troisième question. La boisson Le Kir tient son nom de l'ancien maire de Dijon, Félix Kir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais dire faux. Non, c'est vrai. C'était même le chanoine Kir. C'est pas écrit sur ma feuille, mais ça, je le savais. Le Kir, c'est la vie. Ouais, ça consistait à l'origine à mélanger un tiers de crème de cassis de Dijon avec deux tiers de Bourgogne aligotée. Et vous savez, parce que le Kir, c'est avec le vin blanc. Oui. Et vous savez comment ça s'appelle avec le vin rouge? Parce que c'est bon aussi, le Kir. Ah bon? Ah non. Ça s'appelle une erreur, non? Non, ça s'appelle un communard. Un communard? Un communard! Tout ce qui a un rapport avec l'alcool, vous venez me voir. Ça fait vraiment un truc de pochetron. Je vais vous prendre un communard. Mais monsieur Guillon, il est 8h du matin. Ta gueule! Bon, on rigole, mais t'as perdu l'iPad mini, mon pote. C'est pas grave. On joue pour l'appareil photo, le casque Beats et la compile Bruno dans la radio. Compile Bruno dans la radio qui va sortir le 23 septembre. Dernière question. Le petit trou sur le dessus du bouchon des stylos Bic a une utilité bien précise. Il sert à faire circuler l'air en cas d'ingestion si le bouchon est bloqué dans la gorge. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Énorme, je savais pas. Eh si. C'est ouf, hein. Moi, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Ah, ouais. Aussi. Bon, Sullivan, mis à part l'iPad Mini 4, tu gagnes l'appareil photo, le casque Beats et la compile Bruno dans la radio. Ça, c'est génial, merci la famille. Bravo. Tiens, Sullivan, on a lancé un sujet tout à l'heure. Dernier achat que t'as fait, que t'as regretté? Je m'en souviens pas. Ok, c'est pas grave. Non, Sullivan, on va attendre. Parce que nous, on est là pour mettre les gens mal à l'aise. Donc, le temps que tu trouves une réponse, on va faire un petit interlude. On est là, on attend. Ne quittez pas. Sullivan va nous trouver une anecdote très très drôle. Sullivan, t'as une petite idée, le dernier achat que t'as fait, que t'as regretté? Des enceintes pour mon bonbon ordinateur. Ah, très bien, voilà, hop, et on prend. Voilà. Moi, j'étais prêt à remettre le. Non, honnêtement, Vacher, ça te va les enceintes ou pas? Moi, je trouve ça un peu moyen. Ouais, trouve ça, Sullivan, je suis désolé, je trouve ça un peu moyen. Ouais. Dernier achat que t'as regretté, hormis les enceintes d'ordinateur, Sullivan? Ouais, tous mes achats, ils sont très bien pour moi, donc. Ouais, mais il en faut un que t'as regretté. On va dire. L'overboard parce que ça coûte cher. Ah, l'overboard. L'overboard, Vacher, ça te va ou pas? Alors, honnêtement, j'ai dit pas mal, mais au fond de moi, il y a une petite voix qui fait bof. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Sullivan, mis à part les enceintes d'ordinateur et l'overboard. Je sais, on peut être très relou. C'est le lundi relou. Sullivan, on t'embrasse, mon pote. Bah, bisous tout le monde. Bisous. Belle journée. Hey, it's Major Lazer with Bruno on Fun Radio. Major Lazer, Justin Bieber. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Come on, come on, set me Lundi, c'est le 19 septembre. Il y a le chiffre du jour qui va arriver là, comme chaque matin, 6h30. Et c'est le moment de m'appeler pour participer au chiffre du jour. Qu'est-il arrivé à 25% d'entre nous cette nuit? Ah, c'est... Et parce que cette nuit, c'est pas une nuit comme les autres. Ah, cette nuit en particulier, genre... Ouais, cette nuit en particulier. D'accord. Je pense que 25% des gens se sont relevés pour se moucher. S'il y a plein de gens qui sont enrhumés, vous avez remarqué? Ouais. Alors dans l'équipe, ouais, j'ai vu, y a Amélie du Standard qui n'est que mouchoir. Elle est arrivée ce matin, je lui ai pas fait de bisous. Elle est partie où, Amélie? Ça se trouve, elle est partie chercher un café. Elle est en quarantaine. Ça va, Louzman? Ouais, je sais pas. Bonjour, Louzman. Ah, il y a une alarme incendie. Ah bah c'est Amélie. C'est les microbes. C'est les microbes d'Amélie. Eh mais cela dit, j'ai jamais fait une émission radio avec une alarme incendie derrière. Je sais pas, écoute, ça se trouve on est en train de décoller. Mais non, y a mais un surtout à la radio. Faut sortir en fait à un moment donné, non? Il y a le feu, faut partir. Savez, on est en train de faire une émission de radio. À un moment, quoi qu'il arrive, je resterai ici. Est-ce que c'est le feu qui paye les factures? Est-ce que c'est le feu qui réveille les gens tous les matins? Et donc feu radio, de feu à fun. Par contre, peut-être que vous pouvez fermer la porte, les amis, oui, parce que c'est relou. Si vous avez une idée pour le chiffre du jour, 3228, on fait de la radio ensemble. Wow. Sérieusement, il y a une case qui vous manque, quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Quel est le dernier achat que vous ayez pu faire et que vous regrettez aujourd'hui? C'est la question qu'on vous a posée. Voilà, avec Elliot, on disait c'est le dernier iPhone. Dernier iPhone, ouais. On regrette un peu, on va pas se mentir. Ouais. Alors, si vous avez l'iPhone 6, vraiment ne l'achetez pas. Ouais, suivez notre conseil. Le 7 n'a aucun intérêt. On l'a offert la semaine dernière. Non, non, mais après, si on vous l'offre, prenez, grave. Ouais, bien sûr. C'est un beau cadeau. Christina, c'était une salopette. Oui. Vacher, c'était une PS4. Et il y a Victor, il a appelé, il est à Montélimar. Salut Victor. Salut l'équipe. Victor, le dernier achat que t'as fait que tu regrettes, c'est quoi? C'est un collier pour ma copine, qui est maintenant mon ex, en fait. Ah merde. Ah. Ça. En plus, c'était une belle réplique de l'étoile du soir, là, dans le film du le collier que porte Arwen. C'est un truc que j'ai été un peu mal casqué. Ouais. Et c'était pour son anniversaire, sauf qu'on a rompu avant. Donc du coup, voilà. Combien tu l'avais payé, le collier? 140 euros. Oui, mais si tu pars de ce principe, tous les cadeaux que tu offres à tes ex après, enfin qui deviennent tes ex, c'est des erreurs, tu vois. Ça dépend. Non, après, je vais pas encore offert, hein, il est toujours chez moi. Ah ben voilà, comme ça tu peux le ramener au magasin. Et au pire, quand tu t'offres un cadeau à quelqu'un, moi je sais que j'avais fait ça avec mon ex avant ma femme actuelle. J'avais offert un sac à main un peu cher, tu vois, genre 250 euros. Ouais. Et vu qu'elle m'a quitté une semaine après. Elle était aux États-Unis, on avait fait un Skype et j'avais dit, bah, écoute, c'est sympa que tu me le renvoies. C'est pas possible. Et elle l'avait fait. Et vu qu'il était encore, il y avait encore l'étiquette, j'ai pu le ramener au magasin, me le faire rembourser. Mais non. C'est vraiment incroyable. Mais attends, c'est normal, attends. Le sexe. Victor, on t'embrasse, mon pote. Il y a Lionel, il est à La Rochelle. Salut Lionel. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Dernier achat que t'as fait, t'as regretté après, c'était quoi? Alors moi, c'était une coque waterproof pour mon Samsung Galaxy S4. Pourquoi t'as arrêté? Parce qu'il est tombé dans l'eau et en fait t'es pas du tout waterproof. Exactement. Et donc heureusement qu'il y a un gros sac de riz pour sauver le téléphone. C'est horrible, ça m'est arrivé il y a 2 ans. Et pareil, coque pour iPhone et boum, plus d'iPhone. J'adore ce genre de phase. Horrible ça. Je t'embrasse, bonne journée à La Rochelle, Lionel. Ciao. Katia, 24 ans à Sens, dans le 89. Salut Katia. Salut tout le monde. Coucou. Bonjour, salut. Département de Lyon qui se réveille avec Fun Radio. Dernier achat que t'as fait, que t'as regretté? Une voiture. Pourquoi tu y allais ta voiture? Bah en fait, j'ai acheté une voiture il y a à peu près un mois à des amis et soi-disant qu'elle avait aucun problème. Ouais. Et résultat, bah il y a une semaine, j'ai tout le moteur qui a pété. Ouais. Et ça, et puis alors en plus, si ce sont des amis qui t'ont vendu la voiture, c'est toujours compliqué. Tu peux pas leur en vouloir. Voilà. T'es obligé de prendre ça avec la rigolade, genre. Mais c'est bon, je suis pas à 15 000 euros près. Non, je l'ai quand même pas payé 15 000, ça va, mais bon, c'est le principe, quoi. Bah, surtout que si tu fais réparer le moteur, ça va te coûter plus cher que la voiture, on est d'accord. Ah, bah là, le garagiste, il a ouvert le capot et d'office, il m'a dit, t'as plus de 2000 euros de réparation, donc laisse tomber. Après, ça reste un garagiste. Oui, bien sûr. On va pas se mentir. On les connaît tous, les garagistes. Au moment où tu rentres, le mec a déjà pris 500 boules. Hein, donc, Ah oui, bah oui, ça c'est sûr. Mais de toute façon, vu tout ce qu'elle a lâché, c'est une belle facture quand même. Hein. Katia, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est me l'envoyer. Bah, c'est tout. Je te fais des bisous, ma belle. Voici Cachemire sur Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a run. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your heart. I'll show you better. Tiens, on aura un genre de service express en fait. Avant 7h du matin, on aura Julien au téléphone. Il a flashé sur une nana et il veut essayer de la retrouver. Ah bah, je pense qu'il va passer par nous pour le descriptif, savoir où ça s'est passé, faire une recherche, je pense. J'adore l'idée. Et ce sera, on va le prendre dans un quart d'heure là à l'antenne. Dans quelques secondes, Soprano. Et le chiffre du jour, juste après les infos sur Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Maxime Poulaouec pour les infos de ce lundi matin. Salut Max. Ouais, salut Bruno, bonjour à tous, bienvenue sur Fun Radio. On commence par la météo, un ciel couvert pour presque tout le pays avec de la pluie de l'Alsace au Massif central et du nord à l'Île-de-France. Le soleil brillera dans le sud-est, mais le Mistral et la Tramontane souffleront. Il fait 13 à 16 degrés ce matin, dans l'après-midi comptez 17 à 20 degrés, jusqu'à 25 en Méditerranée. Des adolescents qui voulaient faire le buzz, selon le magazine L'Obs, deux jeunes hackers de 16 et 17 ans sont à l'origine de la fausse alerte attentat samedi à Paris. Le parquet a ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires et divulgation de fausses informations afin de faire croire à une destruction dangereuse. Jacques Chirac hospitalisé à Paris, l'ancien président de la République est traité pour une infection pulmonaire depuis hier. Il a été rapatrié en urgence du Maroc où il séjournait. Des messages de sympathie ont afflué de la part de toute la classe politique. L'été derrière nous, l'occasion de préparer à ses vacances d'hiver, mais la France n'est plus la première destination mondiale pour le ski. Notre pays est détrôné selon le domaine skiable de France par les États-Unis avec 2 millions de journées skieurs de plus. La contre-performance de l'hiver dernier s'explique par un démarrage très difficile en raison de l'absence de neige à basse et moyenne altitude. La cérémonie des Emmy Awards à Los Angeles, elle récompensait cette nuit les stars du petit écran. Game of Thrones a été sacrée meilleure série dramatique. Elle devient la série la plus titrée aux Emmy avec 38 prix. Le football, on jouait hier soir la fin de la cinquième journée de Ligue 1. Marseille et Lyon s'en sont quittés sur un score de 0-0. Monaco est toujours en tête du classement. À noter le match nul entre Saint-Etienne et Bastia. En tennis, la France ne remportera pas la Coupe Davis cette année, comme les 15 saisons précédentes. Les Bleus ont perdu en demi-finale hier contre la Croatie. Le capitaine Yannick Noah n'a pas encore confirmé sa présence pour la prochaine édition. Il est 6h33, vous êtes sur Fun Radio. On retrouve toute l'équipe de Bruno. Bon réveil. Tous les matins. C'est Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dancefloor. Bonjour la famille, lundi c'est aujourd'hui le 19 septembre. Vous êtes nouveau, vous arrivez sur Fun Radio. Ben, vous faites partie de la famille aussi. Et vous allez vous dire, mais c'est quoi cette histoire de famille? La famille, c'est le groupe qu'on forme tous les matins avec les auditeurs de Fun Radio. Un groupe qui fait que le lundi est réussi. Et voilà, c'est tout. Fournisseur officiel de lundi réussi. Soprano là dans quelques secondes. Le son de Fun Radio, c'est Je suis en feu. C'est gala vers 7h moins le quart. Et juste avant 7h du matin, Maître Gims. Maintenant tu m'abandonnes, j'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde, j'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Il y a deux écoles, il y a l'école des animateurs radio qui attaquent le lundi de cette façon. Que c'est pas facile le lundi de se réveiller. Et quand l'animateur de radio a de mal à se réveiller lui-même, il ne peut pas réveiller les autres. Où tu as déjà pété hier? Et il y a l'école Fun Radio. la truffe frêle, la queue qui se secoue dans les fourrés, nous sommes là, à l'affût. Content comme un chien à qui on va lancer une baballe. Ouf, on est là, de l'autre côté du transistor, on regarde. Vous allez dans la salle de bain, on est dans la salle de bain. Vous allez dans la voiture, on est là dans la voiture. Vous êtes aux toilettes, on gratte à la porte. Mais ressors, j'ai envie de te voir. On est content comme des chiens en fait le matin, c'est vrai. 6h34. Et bon, c'est le chiffre du jour. Chiffre de ce lundi matin et cette question que je vous posais. Qu'est-il arrivé à 25% d'entre nous cette nuit ? Bonjour, Élodie. Coucou la famille. Coucou. Élodie, tu es à Lorient. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie à Lorient ? Bah, je suis agent d'entretien. D'accord, ok. T'es déjà au boulot ou tu vas y aller ? Non, je vais y aller bientôt. Bah, beaucoup d'agents d'entretien qui travaillent dès 4h du matin pour préparer votre bureau quand vous arrivez à 8h et que tout est propre. Oui. Et oui, il faut y penser. Élodie, ma chérie, 25% d'entre nous ont vécu quelque chose cette nuit. D'après toi, c'est quoi ? Bah, je pense à faire un cauchemar. Ah oui, bah oui. Effectivement, ça se tient. Moi, j'en ai pas fait cette nuit, non ? Alors, moi, je me souviens plus trop ni de mes cauchemars ni de mes rêves depuis très longtemps. J'en ai fait un chelou, ouais, c'est rare. Tu te souviens de quoi t'es arrivé cette nuit, Elodie ? Ou t'as eu un cauchemar ou pas ? Bah oui, en ce moment, j'arrête pas. Comme il y a pas longtemps, j'ai vu Sol, il est revenu. En fait, j'arrête pas de faire des cauchemars. Ah, ça, avec le clown ? Oui, voilà. Ah, il est passé il y a pas longtemps sur Energy 12 et... Bah, tu sais que moi, je suis tombé sur Energy 12 la journée, j'ai fait des cauchemars aussi. Hein. J'ai vu la toche d'Afida Turner, ça m'a réveillé, moi, vraiment. Je te fais les bisous, Elodie. Je vous avais dit, moi, ce rêve improbable que j'ai fait la semaine dernière. Tu sais, je m'en souviens rarement, mais là, ça m'avait réveillé dans la nuit. Où j'assistais à l'anniversaire de la reine d'Angleterre dans la cathédrale Westminster à Londres, d'accord ? Ouais. Ça va, toi ? Et comme je me faisais chier 10 minutes avant la fin de la cérémonie, ouais. Je sors, et là, au moment où je sors, il y a une gigantesque explosion, la cathédrale s'effondre, et ouais. Dans les images vidéo, on voit que je suis sorti 10 minutes avant, donc on a l'impression que c'est moi qui ai fait sauter la cathédrale. Et le mec qui mène l'enquête, c'est l'inspecteur Colombo. Et donc je suis emmerdé, okay. Parce que je dis, il va trouver que c'est moi alors que c'est pas moi. Je me suis réveillé en sueur en disant merde. Je vous jure que c'est vrai. Jusqu'à Colombo, j'étais à deux doigts de signer ton film. Mais laisse tomber, finalement. C'est l'auditeur du jour, c'est Maxence. Il a la ligne directe du standard, donc il peut réintervenir quand il veut. Maxence, je t'écoute, mon pote. Moi, je pense que 25% d'entre nous, cette nuit, on a avalé un insecte. Alors, je sais que t'es un fidèle de l'émission, on en a parlé des fois le matin de ça, je crois que c'est beaucoup plus. Non, c'est 12 par an, donc tu vois. Mais non, mais je crois que des insectes, on en avale des milliards, des tout petits, etc. Non, tu dors. Non, tu rigoles ou quoi quand mais 12, même. Attends, mais non, vous engueulez pas dès le lundi, moi j'en ai marre. Quand je parle d'insectes, je parle pas de gros scarabées. Vous avez qu'à divorcer. Si vous vous aimez plus, vous divorcez. On est au milieu, là. Avec Vacher, on veut pas choisir entre papa et maman. Maxence, c'est pas la réponse que j'attendais, mon pote. Je t'embrasse. Donc, 25% d'entre nous souffrent d'insomnie. Mais seulement dans la nuit du dimanche au lundi. Ah bon ? Ouais. Ah, mais parce que tu te recales. T'es sorti en général le week-end. Et moi, voilà, je me suis endormi à 1h05 cette nuit. Ah, c'est tard. J'ai fait une sieste. Moi, j'ai dormi 3h. Ouais, je suis tombé sur un truc. C'était un jour à destin sur Muriel Robin. Je suis comme un con. J'ai regardé jusqu'à la fin. Bon, j'ai le bon chiffre des insectes. Ah, si alors, c'est quoi ? Alors, on avale en moyenne 50 insectes et 3 araignées en dormant par an. C'est ça le chiffre. D'accord. Et on les avale ? Ouais. 50 insectes. Banap. C'est un délire. Les gens seraient mieux. 6h38, on aura Julien au téléphone tout à l'heure. Il cherche une nana, il veut retrouver une nana. On va l'aider. Pour l'instant, c'est Soprano. Je suis chaud, je suis chaud. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer, boum, dans la nuit car sors de la piste, te fais le grand écart de Vanda. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur eux, j'ai l'impression de planer. Regardez. en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirik ou ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Chez nous, ce sont Give Me Your Love, ça va arriver là pour attaquer ce lundi matin sur Fun Radio. 3228, c'est le numéro du standard pour faire de la radio avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Bruno. Bonjour Julien. Salut sur Orge, il est dans le 9, hein, on est en région parisienne. On est dans le département de l'Essonne. Bon, alors Julien, il paraît que tu as flashé sur une meuf. Est-ce que c'est ce week-end? C'est ce week-end, c'était hier. D'accord, c'était hier. Ça s'est passé où? Alors, à la Somade, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, c'est une course à obstacles comme la course dont vous êtes sponsor, la Mud Day. Ouais, c'est ça, oui, c'est un truc dans la boue avec des obstacles et tout ça. C'est Spartan Race, voilà, nous. Ouais, bah, bon, c'est même délire. Spartan Race, ouais. Julien, alors explique. Donc, hier, je suis parti en vague célibataire à 13h. Donc, j'ai couru avec des amis entre 13h et 16h. Et. Si tu veux, il y a eu cette petite demoiselle avec qui il y a eu des échanges de regards et un dernier au revoir au moment de la fin de la course. Et j'ai eu le gros regret, juste après qu'elle m'ait dit au revoir, de pas lui être allé la voir et lui prendre son numéro et puis essayer d'avoir contact avec elle. Quoi. Est-ce que déjà tu as son prénom? Voilà. Alors non, je connais même pas son prénom. Oh, c'est bien là le drame, ouais. Elle ressemble à quoi physiquement? Alors c'est une petite brune, très mignonne, avec un regard à tomber par terre. Et hier, elle courait en petit short, débardeur, et elle était, je pense, un petit détail qui va te plaire, elle était tatouée de partout. Ah, ah. Et t'as son numéro de dossard, au moins, un truc? Oh non, rien du tout. Putain, non. Mais t'es drôle. Bah oui, mais enfin, tu vois, si t'as un numéro de dossard, ça pourrait nous aider, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'étais en train de courir, j'étais pas en train de chasser. Bon, ben si jamais genre elle s'entend, enfin elle entend la radio là, comment elle fait pour revenir vers toi? Tu comment elle te reconnaît? Ah bah c'est moi, c'est très simple, j'ai un été que je peux pas rater, hein. J'ai une grosse barbe blonde. Donc, D'accord, barbe blonde. Peut-être que dans un premier temps, on va récupérer ta photo pour la mettre sur la page Facebook. Tu vois que les gens nous voient et puis bah voilà, s'il y a des on gens on va faire fait... tourner. C'était où cette course? À Torcy, sur la base de loisirs de Torcy dans le 77. Bon, bah si vous étiez sur la base de loisirs de Torcy dans le 77... Et que vous êtes tatoué, et que vous n'êtes pas un chien. appelez-nous au 3228, ou si c'est une copine à vous, pareil, 3228, qu'on essaye de mettre en relation Julien et la future femme de sa vie. On tient au jus, Juju. Ok. C'est rigolo, on te fait au tient au jus, Juju. Ça fait trois fois. Ah, tu sais, moi, le lundi, je m'amuse de rien. Vous restez sur Fun Radio, on revient après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Save me, save me. The Parakeet. Feder. Sound of Legend. Felix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. I love you, Fun Radio. Suivez-nous sur Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio, le son Dance Floor. Fun Radio. Why don't you give me your love? Le son Dance Floor. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Come, we make a truce, 'cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. De pom-pom girls. Brutant dans la radio. Il a la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Bonjour la famille, bon réveil. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 19 septembre. Dans quelques secondes, c'est gala. Il y aura Maître Gims. Et encore Kungs. Bon, on a lancé un avis de recherche là avec un auditeur qu'on a eu tout à l'heure au téléphone qui a fait la course, la Somade à Torcy dans le 77 ce week-end, qui est tombé amoureux d'une fille, une petite brune, short débardeur, tatouée. C'est ce qu'il nous a dit. Il n'a pas le numéro de dossard, etc. Et lui avait une barbe blonde. On a mis la photo sur la page Facebook du CUM. Et alors, j'apprends que Nicolas du web été, comme quoi le hasard fait bien les choses, oui. à cette course également ce week-end. Oui, c'est bien ça. Mais mec, d'où tu fais du sport, toi? Ça veut dire quoi? Non, il avait, un overboard, je crois, Nicolas Pensieux. C'est une question, non, mais c'est bien, c'est bien. Bah oui, j'ai fait la Somade. Et tu l'as fait en entier? Les 12 km, oui. 12 km en courant? Oui. Et combien de kilomètres en bus? Et alors, Nicolas, est-ce qu'il y avait du monde pour qu'on... Ah oui, par contre, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des départs toutes les 10 minutes, je crois, et ça commençait... à 9h et ça finit à 18h les départs. D'accord, enfin. Et toi t'as commencé à 9h et t'as fini 9h30. À 18h. Oui, c'est ça. Bon, les amis, si vous étiez à cette course, que vous avez repéré cette petite brunette avec des tatouages, on sait jamais, hein, 32-28, ou alors vous vous manifestez sur les réseaux sociaux, hashtag Bruno Fun Radio. On a remporté un prix, les amis, et sachez que depuis ce week-end, c'est officiel. Nous sommes les champions du monde d'une catégorie bien précise. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques. La pétanque. Pas la pétanque. De la connerie, non? C'est pas de la connerie. Mais, c'est pas, c'est mais un... Dieu sait que si jamais il y a un championnat du monde de la connerie, Elliot... Ah, on est vainqueur. Enfin, je suis vainqueur. On te met dans la team. Quand tu dis nous, c'est genre la France, c'est ça? C'est genre la France, exactement. Ça doit être les râleurs, non? Non, c'est les pas les râleurs. De boulangerie, sinon. Non, non, pas la boulangerie. Ça n'a pas de rapport avec les métiers de bouche. Ah, un temps de merde, non? On a pas. Non, pas un temps de merde. Le reste de l'équipe, le standard, le web, vous pouvez participer. L'équipe du JPI, là, allez, est-ce que vous avez des idées? Les gros dragueurs, on est des gros dragueurs. Ça a un rapport plus ou moins avec ça. Ah, d'infidélité. Exactement. Ah. Yeah. On se bat là-dessus depuis des mois, des années avec Bruno. On trompe, on... Oh, pardon. Bah, je suis calme, toi. Excusez-moi. Pardon. C'est l'IFOP qui a sorti ce sondage ce week-end. Les Français sont les plus infidèles au monde. Ok, est-ce qu'on doit être fier de ça? Et la ville la plus infidèle de France? Bah, Paris. C'est Paris, non? Exactement. Ah, Paris. Paris, la ville infidèle, bien sûr. Et tout le monde le sait, t'arrives ici, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, c'est la ville de Paris. À Paris, à Paris, les femmes trompent leur mari. À Paris, les hommes rentrent tard après le travail parce qu'ils culbutent. À Paris, tu réfléchis avec ton zizi, et tu le ranges n'importe où, pas forcément dans le bon trou, et tout ça, eh bien c'est Paris. Bravo. Bravo. Écoutez, je voulais loger comme ça, c'est un c'est peu quoi de la poésie, oui. C'est la nouvelle Edith Piaf pour moi. À quand l'album? On me dit que non. 6h52, il y a le JPI qui arrive sur Fun Radio, juste après Sigala, tout de suite. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah.

Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio, Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go. Le son Dance Floor. Le mois Carrefour. Claire, t'as vu que le mois Carrefour repart de plus belle? Ouais, je sais, il y a des promos encore plus renversantes. Oui, regarde. Par exemple, dès demain et jusqu'à vendredi, on retrouve chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. 80%? Wow, c'est impressionnant. Maman, faut absolument qu'on y aille, on peut pas rater ça. Évidemment, alors prépare-toi au décollage. Sensation forte garantie. Ça va envoyer. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Bougez pas, Bruno. Vous avez une facture, je paye cette facture. Et vous êtes nouvel auditeur sur Fun Radio, je vous la paye aussi, il n'y a pas de souci, il suffit juste de me faire parvenir votre facture par mail facture@funradio.fr. Je vous appelle en direct tout à l'heure, juste avant 7h15. Fun Radio, le son Dance Floor. C'est Maxime Poulaouec pour les infos de ce lundi. Salut Max. Bonjour Bruno, bonjour à tous, on démarre par la météo, pas terrible du tout avec des nuages sur quasiment tout le pays, de la pluie du nord à l'Île-de-France et de l'Alsace à l'Auvergne, du soleil en revanche près de la Grande Bleue, mais du vent Mistral et Tramontane, comptez 13 à 16 degrés ce matin, 17 à 20 dans l'après-midi, jusqu'à 25 dans le sud-est. Journée chargée pour François Hollande, le président assistera avec de nombreux membres du gouvernement et de l'opposition à une cérémonie hommage aux victimes du terrorisme organisée depuis 18 ans par les associations. Elle se tiendra aux Invalides, puis le chef de l'État s'envolera pour New York où il recevra le prix d'homme d'État mondial de l'année. Dans l'actu également ce matin, la fausse alerte attentat de samedi à Paris. Selon le magazine L'Obs, deux ados hackers de 16 et 17 ans auraient voulu faire le buzz. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires et divulgation de fausses informations afin de faire croire à une destruction dangereuse. Plus cher que prévu, le secrétaire d'État aux Transports a annoncé hier une hausse du tarif des péages pour la période 2018-2020, plus 0,4% par an. Une augmentation qui s'ajoute à celle déjà présentée. Le gouvernement recherche des fonds pour financer un plan d'amélioration du réseau. Hollywood récompense les meilleures séries. La cérémonie des Emmy Awards se déroulait cette nuit à Los Angeles. Game of Thrones a reçu entre autres le titre de meilleure série dramatique. La saga médiévaux fantastique est devenue en 6 saisons le programme de fiction le plus décoré des Emmy avec au total 38 prix. La satire politique VIP a été sacrée meilleure série comique comme l'an dernier. 28 médailles dont 9 en or. La France a terminé les Jeux Paralympiques de Rio 12e au classement des nations. Les athlètes français ont trop souvent échoué au pied du podium et le total est inférieur à celui de Londres en 2012. Et puis la fin de la 5e journée de Ligue 1 en football, c'était hier soir. 0-0 entre Marseille et Lyon au Vélodrome. 7h03, bon réveil sur Fun. Radio. Lundi, c'est le 19 septembre, c'est Fun Radio, vous écoutez, il est 7h03, bonjour. Allez, faites pas la gueule, oui c'est lundi, alors on est là pour vous aider à attaquer cette semaine. Je m'appelle Bruno, toute l'équipe de Bruno dans la radio est là avec le son Dance Floor de Fun, Jonas Blue. Pour attaquer cette nouvelle heure, ça arrive, 7h15, je paye votre facture. Un petit coup, nous avons 7h30. Rain, bones, bright. Ça c'est le programme pour la demi-heure avec Christina qui est là. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Bonjour la presse. Il y a Elliot. Bonjour tout le monde. Elliot qui nous a dit ça y est, je me remets au régime il y a une semaine. Et là j'ai vu dans les photos du week-end, où il y avait des trucs à base de bouffe. On est d'accord. Il y avait des fruits de mer. Oui, des fruits de mer. C'est ça, les fruits de mer. Non, parce que quand tu les fais avec du beurre et de l'ail, du persil et pour les mettre au four, bah, c'est pas bon. Hein, ça s'appelle. Il y avait des couteaux, oui. Donc, ouais. Avec du beurre, 80 grammes de beurre, plus exactement, voilà. Ce qui est beaucoup. C'est ça. Mais alors, non, mais après, moi, c'est ma copine qui m'a appris à manger les fruits de mer comme ça. À l'époque, je mangeais des crevettes, un peu de mayo. Ouais. Et elle, non, elle étale et prend une baguette et elle mange systématiquement tout avec du pain, en sandwich, donc des crevettes. C'est bien pour le régime. Et j'ai appris à faire une mayo maison il n'y a pas longtemps, alors j'en refais plein. Et super. Donc, quand tu l'as fait à maison, tu te rends compte que c'est beaucoup d'huile. Et donc c'est pas mal. Et donc en fait, et je vous jure, j'ai trouvé quelqu'un pire que moi, ma meuf. Elle fait une tartine, elle met du beurre, de la mayo et une crevette. J'ai eu envie de vomir. Voilà, c'était à l'instant le petit conseil. À 7h du mat. Beauté. Oh. D'Eliott qui a donc repris le chemin du régime, vous l'entendez. Et c'est vrai que quand t'as du pain, du beurre et de la mayonnaise, on est pas mal. Moi j'ai mis que de la mayo, ça. Ça va, franchement. Mais au concours de celui qui va se boucher le plus vite les artères de vous deux, les amis, j'ai l'impression que sur la ligne d'arrivée, vous êtes juste sur la photo. Hein. J'ai invité un ami qui lui est maigre et mange pas beaucoup. Il m'a dit mais pourquoi tu fais autant de mayonnaise, on est que trois et c'est fini en entière. Lui il a mangé 2 cuillères, on a mangé le reste. Donc merci Elliot pour ce petit conseil santé, beauté. Si vous invitez Elliot et sa copine à votre mariage, vous savez que c'est un budget pour le buffet. Hein, c'est ça. Après, c'est un budget huile, hein, déjà, dans un premier temps. Bruno. Je pense qu'hier j'ai mangé des fruits de mer avec justement de la mayonnaise, mais genre une cuillerée à café. Et hier soir, du coup, j'ai fait du vélo pendant 1 heure pour brûler la mayonnaise en me disant c'est pas bien. Oh. Bon, c'est l'heure du Vacher Time. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Et là, je voulais faire un petit truc autour de la musique, comme je fais de temps en temps, machin, mais je suis tombé sur une nana, bon, vous allez voir, qui est plutôt jeune. Et en fait, c'est inexplicable ce qui s'est passé. Je pense que quand vous allez entendre cette séquence, vous allez vous dire mais putain, être vieux, c'est ça? Bah, il me tarde d'être vieux parce que ça a l'air génial. On écoute. Sous quel nom connaissait-on le boxeur? Oui, j'écoute. Oui, bonjour madame, monsieur Vacher, je fais des blind tests par téléphone. Allô? Oui, vous m'entendez? Hein? Est-ce que vous pouvez baisser votre télé, s'il vous plaît? Je vous ai pas compris. Oui, c'est normal, c'est parce qu'il y a Nagui qui parle fort derrière, il faudrait baisser un peu le son. Comment? De baisser le son de la télé. Hein? Il faut baisser votre télé! Qu'est-ce que vous dites? Baissez la télé! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai? Vous êtes bien équipé en matériel audio, c'est quoi? Du Thomson? Si j'ai quoi? Du Thomson! Du Glocom! Non! Est-ce que vous avez du Thomson? Non, je n'ai pas de Glocom, non. Allez, bon appétit, va! Et d'une, c'est pas gentil de se moquer des personnes âgées. Mais non, c'est pas grave. Alors, après, de deux, oui, c'est vrai que c'est drôle, mais c'est pas bien. Et t'as vu comme elle écoute Nagui, c'est-à-dire que tout l'immeuble doit entendre. Elle écoute qui? Comment? Non, j'ai dit, elle écoute qui? Hein? Non. Est-ce qu'elle écoute Nagui? Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, est-ce que vous écoutez Nagui? Comment? Oh merde. Mais qu'est-ce qu'il y a avant le chiffre 2? Hein? Voilà, hein, c'est bien. Non, mais t'as que les vieux, je pense, qui utilisent, tu sais, le son à fond des téléviseurs. Les là, amis, elle devait être à fond. Il faut respecter les personnes âgées, puisque un jour ou l'autre, nous serons vieux, nous aussi. Mais bien sûr. Mais je suis d'accord, mais ils font des trucs qui peuvent nous rendre dingues. Et nous, peut-être que quand on sera vieux, on fera aussi ces trucs. Qu'est-ce qui peut nous rendre dingues? Le fait qu'ils soient là à l'ouverture du supermarché dès 9h-5. Par exemple. C'est vrai que ça peut être chiant, ça, c'est vrai. Le fait que quand il y a un trottoir qui fait 7 mètres de large, il marche quand même sur la route. Par exemple, c'est vrai que ça a ce côté chiant. Ouais. Le fait qu'ils restent sur la file de gauche alors qu'ils sont en train de doubler personne et qu'ils roulent à 14 km/h et qu'on ne peut pas les dépasser par la droite. C'est vrai. Ça peut être bon, ok, je vous ai compris. On lance un sujet vieux. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc qui peut vous énerver chez les vieux? 32-28, on fait de la radio ensemble. On lance ce sujet et après on n'en parle plus. Ok, allez. Promis. D'accord? Comment? Non, je dis, on lance ce sujet et après on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, le sujet, on le lance. Hein? On le lance, c'est-à-dire qu'on dit qu'on en parle. Comment? Oh merde. Vous savez quoi? Vous appelez le 3228. Hein? Ta gueule. Voici Jonas Blue. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. We can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Toujours ce qui se passe dans les coulisses de cette émission. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des vannes qui tournent mal? Il y a Vachier, Elliot s'est acheté le nouvel iPhone vendredi. Ah là, d'accord. Je suis désolé. Donc, il faut savoir que avec le nouvel iPhone, quand il est verrouillé, tu peux pas l'utiliser. Mais il y a un truc avec le nouvel iPhone, c'est si tu dis Siri, eh ben l'iPhone se met en route. Dis Siri, et normalement l'iPhone se met en route. En tout cas, ça marche avec celui d'Elliot. Je viens d'essayer dedans. Ah si. Si. Si. Ouais, mais bon, vu qu'il est en silencieux, ton alors, truc. Appelle Christina. Ah, tu... J'aimerais pouvoir vous aider, mais ce n'est pas encore pris en charge par NB Tintin. Qu'est-ce qu'il raconte? Quoi, ça? T'es sûr que t'as acheté l'iPhone 7? Il faut, ouais, mais c'est une copie. Et donc, il y a Vacher qui a voulu faire une blague. Non, mais depuis tout à l'heure, il fait des blagues. À Elliot, il lui a pris, il lui a fait 10 séries, et là, il a fait envoyer un SMS à Christina. Voilà. D'accord. Et là, il a dit que dois-je envoyer voilà. à Christina? Et le SMS, c'était. Je te bouffe le. Voilà, le yonf. Les fesses. Voilà. Et donc le SMS est parti, et là donc on était mort de rire en attendant que Christina reçoive le message. Et elle l'a jamais reçu. Et donc elle l'a jamais reçu. Elliot, est-ce que tu peux nous dire texto ce qui vient de se passer? Bah il l'a envoyé à ma cousine qui a 8 ans. Mais qui s'appelle Christina aussi. Mais d'où à 8 ans elle a important? Enfin de 8 ans et demi, 9 ans quoi donc. Mais elle a un téléphone partout. Ouais. Mais d'où elle a un prénom de vieille? Enfin excuse-moi. Bah, c'est pas un prénom de vieille Christina. C'est pas un prénom tout jeune non plus. Et tu lui parles encore cette cousine? Bah le problème c'est que ma mère elle est fâchée avec sa mère. D'accord. Et donc du coup bah cette cousine je l'ai pas vue depuis je sais pas moi au moins depuis 9 mois, 1 an, un truc comme ça. Pardon. OK. Merci Vacher. En tout cas, toujours là pour les bonnes blagues. Solitude. Je savais pas que normalement quand il y a plusieurs Christina dans le répertoire, Siri dit ouais, à qui voulez-vous que j'envoie Christina Fun, Christina machin, il a voilà. Siri en ce moment, il lâche un peu l'affaire. Il est plus aussi efficace qu'il était. Ok, bon, elle a 8 ans, tu dis, hein? 9. Et Christina, elle est à Christina Fun Radio. Ok. Je vais appeler un avocat. Parce qu'il va y en avoir besoin. Il y a Koombs qui arrive sur Fun Radio, là, dans moins de 3 minutes. Pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable! Tous les jours, 7h15, 8h15 en direct sur Fun Radio. Je suis le seul animateur radio de France à payer vos factures. Et peut-être que ça va tomber sur vous si vous l'envoyez par courrier à Fun Radio, 20 rue Bayard 75 008 Paris, ou bien par mail, c'est facture@funradio.fr. Si on vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. On part du côté de Saint-Brieuc, la Bretagne, les amis, les Côtes d'Armor. Pour être précis, on part chez Choisic. Allô. Allô, Soizic. Oui, bonjour. Bonjour, Soizic. Comment ça va, Soizic? Ça va, l'ensemble. Ça s'entend, Soizic. J'ai l'impression qu'on est en train de réveiller Soizic. Oui, non, c'est il y a pas longtemps. Oh, bah, Soizic, ça s'entend pas du tout, Soizic. Soizic, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno dans la radio. Eh bah, voilà. Alors, Soizic, en fait, avec cette facture, il y avait un message. J'aimerais être choisi pour le remboursement de ma facture parce que c'est ma maman qui s'est ruinée pour mon rêve depuis la maternelle de me faire rentrer en lycée de cuisine cette année. Je sais que ça a été dur pour elle de tout payer à la rentrée. Je voudrais qu'elle en soit remerciée. Elle n'a pas hésité à se priver de tout pour moi cette année. Ça a été un très gros sacrifice. J'ai mis son prénom sur l'adresse pour lui faire la surprise car elle vous écoute tous les jours. C'est signé Sarah. Sarah, c'est ta fille, c'est ça, Soizic? Oui. Eh ben écoute, alors donc j'ai une facture sous les yeux, d'accord? Facture d'accord. De 302,21 €, c'est quoi? Alors en fait, elle rentrait, c'était son rêve depuis la maternelle de rentrer en école de cuisine. Oui. Donc c'est ses tenues obligatoires pour le lycée. D'accord. Ça coûte hyper cher, hein? Oui, ils ont une tenue de cuisine obligatoire et ils ont la tenue, ils sont en uniforme pendant les cours. Mais tu sais quoi, je savais que cet esprit-là, parce que hier sur M6, j'ai regardé un reportage sur Thierry Marx. C'était et bien. Il disait, ouais, c'est 300 boules une tenue de cuisine. Comme quoi, tu vois, c'est raccord. On est sur la queue. Eh bien, Soizic, tu pourras remercier ta fille puisque je te paye cette facture. Oh, merci, c'est génial. Eh ben, je vais pouvoir lui faire une surprise à mon tour parce qu'elle a cassé son portable ce week-end. Ah. Très bien. Eh ben, elle me renverra une autre facture. Ben, on va faire un truc avec vous, alors, du coup. Voilà. Soizic, je te fais des bisous, ma belle. Bisous à la famille. Et continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Eh ben, merci beaucoup. Belle journée, ma belle. Mais non, mais c'est la mère de la fille qui m'appelle. Sérieux? Elliot, bah gère ton truc avec la cuisine. Non mais je me prends pour personne, c'était une blague, madame. Voilà. Eh bien, vous savez quoi? C'est sur ce moment que je vous annonce Kungs qui va arriver dans quelques secondes sur Fun Radio. Et la gêne, est-ce qu'on peut faire un gros plan sur le visage de Vaché pour ceux qui suivent l'émission? Je suis pas gêné, j'assume sur Fun Radio ce genre de blague. Non mais si j'avais su qu'elle avait 8 ans, ouais, j'aurais peut-être pas fait ça. Ah ouais, la radio, c'est pour ça. On revient en direct sur Fun Radio, à tout de suite. Ok. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Imaginez-vous libre avec Boursorama Banque. Libre de ne payer aucun frais de tenue de compte et libre de profiter d'une carte bancaire totalement gratuite. Libérez des frais en fait. Libérez-vous de la banque. Essayez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Voir détails des tarifs sur brochure tarifaire. Offre valable jusqu'au 21 septembre 2016. Détails de l'offre et des services sur boursorama-banque.com. Sophie appréhende un peu le moment des devoirs à la maison. Chaque soir, c'est la même chose. Quelle que soit la matière, elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Elle s'agace vite, elle perd patience. Et elle finit toujours par se disputer avec Gabriel, son fils. La scolarité peut être compliquée, pour les enfants comme pour les parents. C'est pourquoi Acadomia propose à votre enfant des cours en petits groupes pour encadrer ses devoirs et renforcer les notions vues en classe. Rendez-vous dans votre centre Acadomia. Plus d'informations sur acadomia.fr ou au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter tous les matins sur Fun Radio. Et du coup, ça fait quoi? Ben, ça donne de la pression, les amis. Et tous les ans, nous nous disons, il faut essayer de trouver le truc que les autres n'ont pas encore trouvé. Je suis assez fier de ce qu'on va faire cette semaine. Cette semaine, nous allons recruter des auditeurs de Fun Radio. Des auditrices de Fun Radio, nous allons vous recruter. Nous allons faire le casse du siècle. Ça va se passer à Cestas. C'est en Gironde, c'est à côté de Bordeaux. C'est là que se trouvent les entrepôts de Cdiscount, le numéro 1 du e-commerce en France. Un entrepôt dans lequel il y a tout l'électroménager, de la machine à laver au lave-linge, au réfrigérateur, aux écrans gigantesques 4K, aux iPhones, aux Mac, aux ordinateurs de tout genre. Nous recruterons 5 auditeurs cette semaine. Ces auditeurs seront lâchés pendant une minute, montre en main, dans les allées de l'entrepôt Cdiscount. Et durant cette minute, ils auront la possibilité de récupérer ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, et j'ai bien dit tout, sans aucune restriction de quantité ni de budget. Vous voulez être cet auditeur, ce sera tout à l'heure, 8h30, en jouant au 3228. Wow. C'est un vrai kiff. Ouais, c'est un vrai, vrai kiff. Je suis sur Cdiscount, je viens de me rendre compte qu'il y a de la bouffe. Il y a du vin, du cidre, de la bière. Tu peux acheter des bons becs. Il y a du foie gras et tout. Eh ben voilà, ce sera à voir. Ce que vous voulez prendre. Pour l'instant, c'est Kungs, c'est sur Fun Radio. Big city, beautiful sky. The only thing I want. ton bac. Passe ton bac. Passe ton bac. Alexandre m'a écrit bruno@funradio.fr. Il veut passer un message à sa mouman, Alexandre. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'a fait Elliot l'année dernière. Il a quitté le domicile de sa maman. Ça fait 10 jours et sa maman, elle pleure. Bah oui. Comme la mienne, comme la mienne. Elle a du mal à couper le cordon, sa mouman. Oh, c'est trop mignon. Ouais, oui. Il va lui faire un message pour lui dire qu'il reviendra la voir de temps en temps, sa mouman. Bah quand même, quand il aura du linge à laver. Exactement, ou à repasser. Voilà. On va appeler sa mère en direct pour lui faire passer le message. Ah bah c'est la chanson du jour, ça arrive. Pour l'instant, tiens, bah, puisqu'on parle de maman, voire de grand-maman. Jusqu'à 9h, c'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Nous parlons des personnes âgées. Bah, c'est suite au Vacher Time de ce matin, Vacher Time tout à l'heure, où Vacher a voulu piéger une personne âgée, mais en fait, ça n'a pas marché, puisque durant tout l'appel, elle ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Qu'est-ce que vous dites ? Voilà, et on disait que c'est vrai que ça peut être chiant, et on est parti sur un délire sur les personnes âgées que je respecte. Bien attention. Sûr, on les aime, mais on a le droit de dire voilà, ce qui nous embête mais un petit peu chez... C'est vrai que des fois, ils sont un peu chiants. Et on se disait quand hashtag Brulo Fun Radio, il y a des messages qui sont arrivés sur Twitter. Et je trouve, d'ailleurs, il y en a plein qui se rejoignent, ce qu'on disait tout à l'heure pour le supermarché. Hein. Ça énerve beaucoup, beaucoup de gens. Et notamment le samedi, comme dit Gaël. Moi, ça me saoule quand ils sont là le samedi alors qu'ils ont toute la semaine pour faire les courses. Oui, c'est vrai. Et ils sont les premiers devant le supermarché. Alors, ils arrivent 5 minutes avant que ça ferme. Mais ça, c'est les gens qui travaillent aux caisses, hein, je pense. Il y a aussi Cricri qui dit avec le hashtag Bruno Funrado, moi, ce qui me saoule, c'est quand ils s'amusent avec leurs dentiers. Ah ouais. Après il y a Mowgli aussi qui dit un truc qui va parler à plein de gens, je crois, qui dit dois-je le prendre mal quand mamie me sort, t'as pas de copain, va falloir se dépêcher. Ouais. Mais c'est vrai que les grands-mères, c'est surtout les grands-mères, quand t'as genre 19 ans, si t'es pas marié, pour eux c'est foutu quoi. Moi, je vous l'ai dit, vu que j'ai pas ramené de meuf avant mes 24 ans, tout le monde croyait que j'étais gay dans la famille. Genre tout le monde venait me voir, il me disait mais tu sais, si tu aimes les hommes, tu peux nous le dire, c'est pas grave. Et tout. Il y a Nico là sur Twitter, hashtag Bruno Fun Radio, qui dit les vieux qui parlent 20 ans à la caissière et toi t'es pressé, t'es derrière, t'attends. Ah, j'avoue, ouais, mais en fait ça fait de la peine parce que tu dis ils ont besoin de compagnie et de partager leur vie, tu vois. Évidemment, c'est ce que je disais. Voilà, respectons-les aussi, mais des fois ils sont chiants. Christopher, il est à Nantes. Bonjour Christopher. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Salut. Qu'est-ce qui peut te fatiguer des fois chez les personnes âgées? Alors moi, ce qui peut me rendre dingue, c'est quand ils te font la bise. En fait, ils font des bisous un peu ventouses et sonores là. Ouais. Ouais. Mais en fait, ils font des vrais bisous. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a tendance à se coller les joues. Eux, ils font des vrais bisous avec la bouche, ouais, au milieu de la joue. Et la langue, hein, des fois même. Est-ce que je vois, mon chéri? Ils font des bisous qui piquent. Oui. Si en plus ça pique, c'est le combo. Ouais, c'est vrai. Ouais, les petites mamies, des fois. C'est les petites mamies, tu sais, elles s'enlèvent les poils à la pince à épiler sous le nez et du coup, ça repasse beaucoup plus dur. Je dis ça, c'est le cas de ma mère. Christopher, je te fais des bisous, mon pote. Gaël, à Saint-Denis, dans le 9-3. Salut Gaël. Salut la famille. Coucou. Salut. Gaël, bon, qu'est-ce qui peut énerver des fois un petit peu chez les personnes âgées? Alors moi, il faut un truc que je comprends pas et qui m'énerve, c'est quand tu marches tranquillement dans la rue, puis t'apprêtes à aller te passer ou par la gauche, par la droite, on s'en fout, et d'un coup, il bloque. Il c'est bloque vrai. Et il s'arrête de marcher et il te regarde d'un air comme si t'allais les tuer. Oui, c'est vrai, mais parce c'est qu'en vrai, fait, il ne marche pas droit, si vous avez remarqué. Il marche en zigzag. Attends, alors ça, c'est les mamies bourrées. On les respecte quand même. Gaël, je te fais les bisous, ma belle. Moi aussi, je vous embrasse. Ciao, ciao. Il y a Aurore qui est à Louviers dans le 76. Bonjour Aurore. Bonjour. Salut. Bonjour la Seine-Maritime. Aurore, qu'est-ce qui peut t'énerver chez les personnes âgées? Moi, ce qui m'exaspère, c'est quand ils nous passent devant à la queue du supermarché. Tu sais que normalement, tu te dois de laisser passer une personne âgée devant toi. C'est comme tu te dois de laisser une personne âgée s'asseoir dans les transports en commun. Ouais. C'est vrai. Ça, je suis d'accord. Mais par exemple, quand j'étais enceinte, hein, normalement, je suis censée pas attendre non plus. Il gênait pas de pas voir que j'étais pas enceinte. Ça, tu sais quoi, Aurore, je sais pas qui a la priorité. Ah, je sais pas, là. Est-ce que entre la personne âgée un peu grabataire et la femme enceinte, qui a une priorité aux caisses ou sur un siège? C'est s'il y a une mamie enceinte. Je crois qu'elle, elle peut passer dessus. Mais c'est assez chelou. Je t'embrasse, Aurore. Bonne journée, bisous, continuez comme ça, vous êtes bisous. Au top. Promis, bisous. J'aurai, ma chérie, je crois, la mamie enceinte. DJ Snake, Justin Bieber, ça arrive. Crop, il y a des morceaux que j'adore en ce moment. Le nouveau Pitbull avec Florida. Quand ça parle à l'ancienne. I'm ready to go. C'est le son de votre lundi pour vous réveiller, pour bien attaquer cette semaine. Vous êtes sur Fun Radio, on va revenir après les news.

28 prix en 6 saisons. Elle en a gagné 4 cette fois, dont le prix de la meilleure série dramatique. En football, match nul 0-0 entre l'OM et l'OL hier soir au stade Vélodrome. Les deux clubs n'ont pas réussi à se départager en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Dans les autres matchs du dimanche, Saint-Etienne a battu Bastia 1-0. Nice et Montpellier ont fait un partout. Monaco, Nice et le Paris Saint-Germain sont sur le podium du championnat. 7h34, bon réveil avec Bruno sur Fun. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais. 6h-9h on Fun Radio. Bonjour la famille, c'est lundi, c'est le 19 septembre. C'est Fun Radio que vous écoutez, c'est le nouveau Martin Garrix qui va arriver, nouveau Martin Garrix, qui sera dans la compile Bruno dans la radio, 3 CD, 60 titres, ça sort le 23 septembre. Compile Bruno dans la radio, dans les bacs, c'est notre première compile, c'est classe. C'est classe, ouais. C'est vendredi. On a choisi les titres qu'il y a dedans, oh, ça fait plaisir. Et vous voulez des extraits de ce qu'il y aura dans la compile, oui, ou pas? Alors il y aura, oui, ça. Ce sera dedans, ça c'est dedans, Maître Gims, on a mis quoi? On a mis Pitbull Florida, nouveau Pitbull, là ça va arriver justement. Voilà, c'est dedans, la compile Bruno dans la radio, on a mis Martin Solveig aussi. Non, elle est vraiment bien, Jonas Blue, c'est dedans, enfin bref. Moi j'avais demandé la vallée de Dana, enfin la tribu de Dana de Mano, et ouais, je sais pas s'ils l'ont mise. La vallée de Dana, ça n'existe pas. Ouais, c'est pour ça. Anaïs sera au téléphone avec nous dans moins de 10 minutes, c'est notre moment happy du jour. Elle a fait un délire un peu chelou. D'accord. Alors pour elle c'est un moment happy, moi je trouve que c'est un moment un peu zarbe. Vous donnerez votre avis, on va l'avoir là au téléphone dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. On a comme un petit problème. Le lundi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du lundi. Chanson de ce lundi matin, faites sonner le clairon pour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruno. 22 ans. Bonjour la famille. Bonjour Alexandre. Ah. Nous sommes dans le Morbihan, du côté d'Ennebon, pour être précis. Tu m'as écrit à bruno@funradio.fr, Alexandre, pour m'expliquer quelque chose, et c'est l'adresse qu'il faut utiliser pour la chanson du jour. Vous voulez faire passer un message en chanson à quelqu'un, on trouve les mots, on trouve les paroles d'une chanson, on écrit, on chante la chanson et on appelle la personne pour faire passer le message. En l'occurrence, ce matin, c'est à Élisiane que tu veux t'adresser. Élisiane, c'est ta maman, c'est bien ça, Alex? Exactement, Élisiane, c'est ma petite maman. Bon, explique-nous ce qui se passe avec ta mère. Bon ben, j'ai pris mon envol. Ah, t'as coupé le cordon. J'ai pris mon appartement et voilà, j'ai pour le boulot et l'appartement avec la chérie. Quoi. Ah merde, ça, la fille qui lui vole son fils. C'est mais dur. Hein. Oui, non, mais c'est normal, ça fait partie de la vie et puis elle lui vole pas son fils. Est-ce qu'elle pleure? Parce que on a eu l'expérience il y a un an avec la mère d'Eliott, quand Eliott s'est mis en couple avec Tiffen. Ouais. Où on a fait venir Marie, la mère d'Eliott, ici en direct, et elle s'en remettait pas. Ça va un peu mieux, Eliott, toi, de ton côté? Bah, elle pleure plus devant moi, on va dire. Mais dès qu'elle veut se plaindre, elle fait « Tu veux pas revenir vivre à la maison, enfin. t'es sûr. Alex, elle a pleuré un peu ou pas? Ah bah, derrière moi, hein, y a eu les petits frères et le papa qui ont dit « Là, ça va pas trop, fais quelque chose, rassure-la. » Ouais. Ah bah. Alors bah, c'est ce que tu voulais faire ce matin, tu voulais la rassurer. Dans la chanson, tu veux qu'on lui dise quoi? Ben, tous les mots qu'on peut dire pour rassurer sa maman, quoi. Ouais, que tu continueras à venir la voir. Que tu l'aimes, ouais, ça. Que tu serais l'aimes. Toujours là. Que c'est la seule femme de ma vie. Hein. Oh, c'est bon. Mignon. Oh là là. Bah, j'espère que ta femme écoute pas le radio. C'est bizarre dit comme ça. On lui fait passer le message et après tu lui dis en direct. Est-ce que t'as déjà dit je t'aime à ta mère? Ah oui, beaucoup, beaucoup. C'est bien. C'est important. Ah oui. Eh ben écoute, tu vas avoir l'occasion de lui redire à la radio. On lui fait le message et tu lui parles après, d'accord? D'accord. Nous avons au téléphone Élisiane. Bonjour Élisiane. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Élisiane. Oui. Élisiane, je m'appelle Bruno Guillon, tu es en direct sur Fun Radio. Ah bon? Eh, tu l'avais pas vu venir ça. Pardon? Je dis, tu l'avais pas vu venir. C'est une blague? Et non, c'est pas une blague. Élisiane, tu es vraiment sur Fun Radio. Et si tu es là ce matin, c'est que j'ai un message à te faire passer de la part de ton fils, Alexandre. D'accord? Oui. T'écoutes les paroles et on en parle juste après? Ça marche. C'est une chanson, t'écoutes les paroles, elle a été écrite pour toi, c'est parti. Ok. On a fait ça sur du Kungs, tiens, justement. Ma petite maman adorée, si je fais cette chanson, c'est pour te rassurer, te dire que même si je suis parti, c'est pas pour autant, maman, que je t'oublie. Tu sais que je reviendrai te voir, enfin surtout quand je serai plus quoi manger le soir. T'inquiète, je vais toujours t'appeler, surtout en fin de semaine quand j'aurai du linge à laver. Et puis vois les choses, maman, du bon côté, plus jamais de chambre à ranger. Tu vas pouvoir enfin retrouver une pièce qui sent pas le fennec. Plus besoin de ramasser mes caleçons et mes chaussettes. En tout cas, j'espère que tu es fier de ton fils qui, grâce à toi, a évolué. Je serai là pour toi tout le temps, car ne l'oublie pas, ma maman, je t'aime énormément. Élisiane ? Oui ? Est-ce que tu as compris le message ? Ben oui. Ouais. C'est émouvant. Ben oui, mais enfin, et quand le fiston il part de la maison, on se prépare pas à ça, on est d'accord, Élisiane ? Ah non, tout à fait, je confirme. Bon. Eh oui. Il y a des choses qu'il voulait dire, il a pas osé te les dire, il s'est dit je vais passer par la radio, mais là il est en direct avec toi. Alexandre, t'es en direct avec ta mère. Allô maman ? Oui ! T'es malade ! Bah voilà ma petite maman, c'était pour te dire que je t'aime et que oui. Bah, je t'oublierai pas quoi. Moi aussi. Oh, c'est mignon. Oh, vous êtes trop mignon. À l'arrivée, c'est qui chiale ? C'est Alexandre. Hey. T'es pas un vrai bonhomme ou quoi ? Vas-y, tu perds pas avec ta mère. Bon. Bah voilà quoi. Reprenons nos esprits. Exactement. Vous savez quoi ? Mais l'amour d'une mère pour son fils et vice-versa, il n'y a rien de plus fort. On vous embrasse, les amis. On vous fait des bisous. Gros bisous. Bisous. C'est vrai qu'en plus c'est pas fini parce que généralement une mère ça pleure deux fois. Une fois quand tu déménages et la deuxième fois quand t'achètes ton lave-linge parce que c'est que tu reviendras plus laver le linge. C'est tout. Digisnake, Let Me Love You, c'est tout de suite. C'est sur Fun Radio. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. Appelé au 3228. Bonjour Anaïs. Et bonjour toute l'équipe. Bonjour. Anaïs, salut. A un moment happy à partager avec nous qui est un peu barré. Je préfère vous prévenir. On l'a en direct avec nous là dans moins de 3 minutes sur Fun Radio. A tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Save me, save me. The Parakeets. Feder. Sound of Ledger. Felix J. I am the bonfire.

Ça va arriver là, In the Name of Love, et puis vous vous inscrivez 3228, maintenant. Ou bien le hashtag Bruno Fun Radio, pour participer à cette opération qui n'a jamais été faite en radio en France. Nous allons recruter 5 auditeurs et auditrices de Fun Radio qui viendront avec nous à l'entrepôt Cdiscount de Cestas. Nous serons en direct de l'entrepôt et ces auditeurs auront chacun une minute pour prendre tout ce qu'ils veulent à l'intérieur du magasin. Et quand je dis tout ce qu'ils veulent, sans aucune restriction de quantité ni de budget. Rien. Le truc, c'est que tu arrives à sortir avec ce que tu as choisi. Moi, j'ai déjà échafaudé des délires. Ah ouais ? Moi, j'ai dit, ouais, bien sûr. Moi, je vois le truc. Tu prends, par exemple, un emballage de téléviseur 4K. Okay. D'accord ? Tu le poses au sol. Ouais. Après, il faut voir s'il y a la largeur pour passer entre les étagères du rayon. Mais ouais. Tu le poses au sol et dessus, t'empiles de l'ordinateur, des téléphones, machin, etc. Et tu peux sortir avec une blinde. À mon avis. Hein. Ah ouais. Et sinon, tu prends un frigo, tu ouvres le frigo et à l'intérieur, tu mets justement des téléviseurs 4K. Oui, mais tout seul. Il faut le pousser. Ah ouais, est-ce qu'on aura le droit au diable ? Ils auront un diable ou pas ? Ah bah pas du tout, non. Ah bah. En revanche, vous allez faire équipe avec une personne de l'équipe. Ah, donc on peut le faire à deux. Putain, à deux, tu Exactement. Peux prendre un frigo. À deux, tu pousses un frigo. Ouais. Enfin, à deux, tu pousses un frigo, tu ouvres la porte, tu mets des téléphones dedans, tu sors le frigo. Ah ouais, moi je soulève un micro-ondes, je vais souffler déjà. Mais j'imagine le truc qui tourne mal, le frigo il tombe, tout se casse et tout, tu sais. Ça fait partie du risque. Hashtag Bruno Fun Radio si vous voulez participer. Et alors on s'est fait un petit délire. On a fait une vidéo. La vidéo, on la met maintenant en ligne sur la page Facebook et on la balance sur Twitter. Hashtag Bruno Fun Radio sur Instagram. On a détourné Ocean's Eleven. Et donc c'est Ocean's Eleven mais avec nos voix. La bande-annonce dure 40 secondes et vous nous direz ce que vous en pensez. Nous en tout cas ça nous a bien fait rire. Pour l'instant, moment happy. Moment happy, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment de bonheur qu'on partage avec un auditeur ou une auditrice de Fun Radio. Je reste persuadé que le bonheur, c'est contagieux et que quand on entend quelqu'un qui est content, ben, on est content pour lui. Bonjour Anaïs ! Bonjour ! Anaïs, bonjour. Tu as 25 ans, tu habites Saint-Quentin-Salavier, c'est dans le département de l'Isère, c'est bien ça ? C'est ça. Anaïs, tu veux partager avec nous un moment happy, on t'écoute. Oui, bah en fait, avec mon copain, du coup, on a monté une association. Donc, le projet, c'est de créer l'Hôtel de l'Horreur. Alors, l'Hôtel de l'Horreur. Il faut que tu expliques aux auditeurs de Fun Radio. Ouais, et ben. Ah, ça a coupé. Anaïs ? Ah, oui. Bah pourquoi tu t'arrêtes ? On est là, tu sais, la radio ne passe pas sous un tunnel, hein, tout va bien. Moi non plus. Et bah alors, donc, vas-y. Tu sais qu'on lance des musiques derrière pour créer une ambiance, hein, mais t'arrêtes pas dès qu'on change de musique. Tu déroules. Ouais. En fait, on a créé donc l'Hôtel de l'Horreur. Les gens vont venir passer une nuit ou un week-end pour vivre leur propre film d'horreur. Oh. Mais quel genre ? Explique, c'est quoi le délire ? Il y a des comédiens qui vont faire peur, c'est quoi ? C'est ça, on a créé 13 personnages, donc ils vont apparaître dans la nuit, il peut y avoir des coups de tronçonneuse, les gens vont être dans des baignoires de sang, ils peuvent être pendus, on a fait une salle chirurgicale, une salle de torture. C'est hyper flippant. Non, en fait, c'est un hôtel normal à Poitiers, quoi. Voilà. Ouais. Mais non, je peux comprendre le délire parce que moi, ça me fait. Tu sais, à Paris, ils ont fait une maison de l'horreur comme ça. Ouais, le truc. Ouais, le truc pour se faire flipper. Moi, j'aime bien ça. Oui, mais après, de là à dormir. Ah, c'est chaud, non. C'est un délire. Ça veut dire que pendant la nuit, tu peux avoir quelqu'un qui rentre dans la chambre. C'est ça. Oh merde, non. Non, non. Oh là là. Attends, c'est où ? C'est à Servières, dans le 42. C'est proche de Noirétable. Mais ça ouvre quand ? Alors, on ouvre le 13, un vendredi 13 de l'année 2017. Ah merde, putain, parce que j'allais dire cette année, on vient fêter Halloween chez vous. Grave. Ah, et tu sais quoi, on viendra l'année, l'année prochaine. Il faut qu'on soit là l'année prochaine. Jamais je vais là-dedans. Tu sais que normalement, un truc de l'horreur, ça doit rester amusant. Ça. C'est que du fou. À partir du moment où il y a vraiment un mec qui rentre dans ta chambre et qui te tue, qui te découpe, là, ça s'appelle un meurtre. Et en plus, c'est vrai qu'on a fait venir une médium qui nous a bien confirmé qu'il se passait des choses dans l'hôtel. Il y a vraiment des esprits qui rôdent. Oh, ça rajoute du vrai à la chose. C'est le moment flippant. C'est un délire. Moi, j'imagine les commentaires TripAdvisor un mec qui passe par là, genre je me suis fait réveiller par une tronçonneuse en pleine nuit, c'est vraiment un hôtel tout pourri. Moi je me réveille un matin, bon j'ai plus mes jambes, je me dis qu'est-ce qui s'est passé ? Elles sont dans la baignoire avec des glaçons, je veux dire on me dit rien. Moment flippant, jingle. Moment flippant. Moment flippant. Moment flippant. Moment flippant. Moment flippant. Maman flippant, oui, on a compris. Et tu sais quoi, Anaïs, moi ça me chauffe ton délire. J'irai faire un tour avec plaisir. Et Eh ben, avec plaisir. Je veux t'entendre crier « Je suis heureuse ». Je suis heureuse. À mon avis, avec son mec, il doit avoir des plans un peu chelous. Ah ouais. Commence à faire ce genre de délire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais à mon avis, il y a des délires. Dans quelques minutes, le JPI sur Fun Radio, juste après Martin Garrix. Wake up, it's Martin Garrix with Bruno on Fun Radio. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love. In the name of love, name of love. In the name of if I told you we could bathe in all the lights, would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair, but it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy. Vous restez sur Fun Radio, c'était Martin Garrix et tout de suite c'est le JPI. Le JPI sur Fun Radio. C'est le journal pour une image, le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 7h50 du JPI. Et pour commencer, football. Franck McCourt, le nouveau propriétaire milliardaire de l'Olympique de Marseille, a déclaré que son objectif était de battre le PSG. Il n'est pas seulement milliardaire, il est humoriste aussi. Événement, le calendrier des dieux du stade est sorti. Ah, et il est comment ? Comme ça. La CGT appelle les personnels de l'éducation nationale, notamment l'accueil périscolaire, à faire une grève nationale en ce lundi 19 septembre. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Tu m'emmènes à l'école ? Non, Pierrot, ils font grève ! Mais je vais pas rien faire de ma journée à glander, alors que je suis censée travailler ! Mais si, c'est ce que je fais tous les jours, tu verras, on s'habitue vite ! Ouais, bravo pour ces bons conseils, Anthony. Et pour finir, si vous aimez les animateurs télé et les enfants, regardez Cyril Hanounou. Voilà, c'est la fin du JPI, tout à l'heure. Nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure.

deux ados de 16 et 17 ans seraient à l'origine de la fausse alerte attentat samedi à Paris, selon le magazine L'Obs. Le canular consistait à faire déplacer le plus de forces de l'ordre possible. Le parquet a ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires et divulgation de fausses informations afin de faire croire à une destruction dangereuse. Aux États-Unis, la piste terroriste est dans tous les esprits. Le pays a subi samedi deux attaques à la bombe à New York et dans le New Jersey et une attaque à l'arme blanche dans le Minnesota, même si aucune piste n'est encore écartée. Ces attaques ont fait au total 38 blessés et seule celle du Minnesota a été revendiquée par l'État islamique. Jacques Chirac est à l'hôpital. L'ancien président de la République a été admis hier à la Pitié-Salpêtrière à Paris pour une infection pulmonaire. Il a dû être rapatrié du Maroc où il séjournait et restera en observation plusieurs jours. Jacques Chirac fêtera ses 84 ans au mois de novembre. Un beau succès pour les Journées du Patrimoine. La 33e édition de l'événement a rassemblé 12 millions de visiteurs dans 17 000 sites ce week-end. Week-end placé sous le signe de la citoyenneté. Le Palais de l'Élysée a accueilli 20 000 visiteurs. L'hôtel Matignon à 6 700. En football, c'était la fin de la 5e journée de Ligue 1 hier soir. Marseille et Lyon se sont quittés sur un triste 0-0. Un peu avant, Saint-Etienne battait Bastia 1-0 et Nice et Montpellier faisaient 1 partout. Monaco reste en tête du championnat devant l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Il est 8h04, vous êtes sur Fun Radio. Bon réveil avec Bruno. Fun Radio. Lundi, c'est le 19 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 8h05. Bonjour! Vous ouvrez les yeux, vous êtes sur Fun Radio. Ben voilà, vous avez un lundi qui va commencer comme il faut. Avec le son Dance Floor de Fun Radio, c'est bien ça pour se réveiller. Et un petit découvert chez nous, Call Your Name. Et je vous ressors ça. Shakira. Mais longtemps, Shakira. Hips Don't Lie. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est là au taquet comme chaque matin. Il y a Christina. Bonjour. Il y a Vaché. Bonjour. Il y a Elliot. Bonjour Bruno. Et il y a vous, auditeurs de Fun Radio, vous à qui nous allons confier une mission particulière. Celle de nous accompagner pour faire le casse du siècle. Pour la première fois en radio, nous allons choisir 5 personnes triées sur le volet ou sous le volet. Ou à côté du volet. Des personnes qui s'appellent volet. Aussi, ça peut marcher. Nous allons partir aux entrepôts de Cdiscount à Cestas. Ça se trouve à côté de Bordeaux. Nous aurons l'émission en direct de là-bas et vous, auditeurs de Fun Radio, vous aurez à tour de rôle une minute pour tenter de récupérer dans les entrepôts ce que vous voulez sans aucune limite de quantité et de prix. Vous rentrez, vous vous faites plaisir, vous ressortez, ce que vous aurez réussi à sortir sera à vous. Vous voulez jouer avec nous? Vous appelez maintenant le 3228 ou bien hashtag Bruno Fun Radio. Et ce sera dans une demi-heure, j'ai tellement hâte. Pour l'instant, brioche ou croissant, on prend une personnalité, on lui demande de choisir entre une brioche ou un croissant et tout plein d'autres choses derrière. Alors c'est Laurie Cholewa ce matin. Oui. Laurie Cholewa, actu de notre copine Laurie Cholewa. Elle présente l'hebdo cinéma là depuis la rentrée, c'est tous les samedis sur Canal+. Et donc elle répond à brioche ou croissant. Brioche ou croissant? Les deux. J'adore les deux. Je suis très gourmande. Le matin, je peux manger. Si on m'arrête pas, je peux manger pendant des heures. Brioche, croissant, chouquette, pain au chocolat, baguette, céréales, tout ce qui passe. Coudre à la main ou à la machine? Ne jamais coudre. Je suis nulle. Je suis une très très mauvaise femme d'intérieur. Donc si je dois coudre quelque chose, en fait, j'ai choisi la simplicité. J'ai pris un appartement dans l'immeuble de ma mère. Talons ou chaussures plates au travail? Oh, chaussures plates. Cheveux bouclés ou cheveux raides? Cheveux qui se cherchent. Maintenant, on va dire qu'il est un peu flou, le cheveu. Sourire avec ou sans les dents? Parfois, je me dis que je souris justement trop avec les dents, donc je devrais essayer le sans les dents. Abdos musclés ou petite bedaine? Et malheureusement, en ce moment, on va pas aller jusqu'à la bedaine, mais les abdos sont plutôt flasques. Hein. Câlin à la maison ou en public? Alors, comme on précise pas quel genre de câlin, je vais dire câlin au grand public, ça ne me dérange absolument pas. Coquine. Ok, coquette, le riche roi, attention. Le riche Léoua mange des chouquettes. Ouais. On a la une de voici, les gars. Dans 3 minutes sur Fun Radio, je paye de la facture. Vous avez une facture à vous faire payer, vous me la faites parvenir. Facture@funradio.fr. Le temps d'écouter AMT, Call Your Name, c'est sur Fun Radio. We'll stay together, always. True love forever, we'll stay. No matter what they say, yeah. We'll live a life the same way. Je rêve qu'elle de jour comme de nuit. Je vis ma vie sans faire de bruit. Aisance et élégance, yeah. Elle perturbe mes sens, yeah. Lundi, c'est le 19 septembre, c'est Shakira. Quelle année, ça, Shakira? 1971. Non, c'est peut-être un peu trop. 2010. 2010. Oh, et si on montait plus encore? Pas les années 2000. Non, de Zeus. Non, pas les années 90. Non, de Zeus. Si on partait dans les années 80, j'ai envie. J'ai envie, les amis, qu'on se fasse un petit retour en arrière. Et j'ai envie d'un petit choc des générations pour attaquer ce lundi. Ah oui. Un petit choc des générations. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Oui. Enfin, on passe un bon moment quand même. Oui, d'accord. Tu secoues la tête sur ce titre et tu te dis, ah, on faisait de la bonne musique à l'époque. Eh bien, tu es vieux. Ah. Tu peux appeler le 3228 maintenant. C'est sympa pour Christina qui secoue bien la tête depuis tout à l'heure. J'adore Michael Jackson, c'est mamie. Différent. Tu as plus de 45 ans, tu appelles le 3228. Tu as moins de 15 ans, tu appelles le 3228. Moins de 15 ans, tu bouges ta tête sur... Voilà. Ouais, ou sur... Voilà, très bien. Ouais. Choc des générations, on pose des questions de vieux aux jeunes, des questions de jeunes aux vieux. On offre quoi comme cadeau ce matin? Un iPad mini 4. Ouais, iPad mini 4. C'est pas de la roupie de sonner, hein, comme dirait le vieux, hein, qui va jouer. Voilà. Tout à l'heure. 32-28, vous êtes en Belgique, vous pouvez jouer avec nous, 02-85-10-000. Et depuis la Suisse, alors, il va falloir qu'on trouve un numéro parce que j'ai de plus en plus d'auditeurs de Suisse qui disent vous parlez pas des Suisses. On s'occupe de vous, les Suisses. On est en train de gérer le délire. On est sur tous les plans. On est mais en Suisse, alors. Merci, Elliot. Bonjour. Allez, on y va. C'est parti, c'est l'heure de la facture. Bruno. Allô? Paye vos factures. Oui, les est adorable. Je t'ai interdit l'accent belge, c'est pas pour que tu partes sur l'accent suisse. Mais là, il y a zéro effort, quoi. C'est un accent pourri. Tous les jours, les amis, aux alentours de 7h15 et 8h15 sur Fun Radio, nous payons vos factures. Et vos factures, vous les envoyez soit par mail à facture@funradio.fr ou vous pouvez aussi les déposer sur le site brunopayevosfactures.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, la facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. On part du côté de Marcillargues, département de l'Hérault. On va chez Mélissa. Allô ? Mélissa. Oui ? Bonjour Mélissa. Bonjour. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? Bruno dans la radio. Oh ! Bravo ! Trop bien. Ça fait plaisir. Ah oui, ça fait trop plaisir. Mélissa, t'as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie ? J'ai 24 ans et je suis téléconseillère en assurance. D'accord, quelle assurance ? Je dis le nom ? Bah, tu peux, bien sûr. La Massif. Ah, la Massif, d'accord, très bien. Mélissa, j'ai sous les yeux un avis d'imposition. Oui. Eh ben oui, parce que c'est un petit peu la période des impôts. Hein. Ah bon ? Des quoi ? à toi, le jeune qui nous écoute et qui part au collège, au lycée, qui dit oh, les impôts, j'en ai rien à foutre. Eh ben, tu sais qu'un jour, ça va te tomber. Ça va vous arriver. Ça va te tomber sur le coin de la gueule. Et généralement, tu peux pas les payer. C'est ça. Voilà. La première année, t'as pas compris que l'argent qu'on te donne, il faut pas tout garder. Et même les années d'après, hein, pour tout te dire, vraiment. Ouais, moi aussi. Ce qui est vraiment génial, c'est quand les impôts te doivent de l'argent. Oui, ça mais c'est tellement rare. Ça arrive quasi jamais. Ça m'est jamais arrivé. T'as l'impression que t'as gagné au loto. Même si c'est 50 euros, t'es hyper content. 338 euros, Mélissa. Ah ouais. Super. Eh ben, tu sais quoi ? Eh ben, je te paye tes impôts. Voilà, c'est tout. Merci. Eh ben, de rien, ma chérie. On te fait le chèque très vite. Je te fais des bisous, Mélissa. Merci, gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous. Ciao, à bientôt. Bon, Shakira, ils ont que là, ça arrive. Et puisqu'on est en délire grenier, un peu, on se fait un choc des générations. Vous jouez avec nous, on joue après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. .fr, annuaire de référence pour trouver un coiffeur. 118-712.fr. C'est le début de l'année et Maxime est un peu inquiet. Nouveau lycée, nouveau prof, il se demande s'il va s'en sortir. Surtout que cette année, le programme n'est pas simple. Il n'a pas fait de trigonométrie depuis 1976. Pas facile pour aider Léa, sa fille. La scolarité peut être compliquée, pour les enfants comme pour les parents. C'est pourquoi Acadomia propose à votre enfant des cours en petits groupes pour progresser dans les matières clés et optimiser ses méthodes de travail. Rendez-vous dans votre centre Acadomia. Plus d'informations sur acadomia.fr ou au 0810 10 15 20. Prix d'un appel local. Vert Emeraude. T'as voyagé dans le temps ? Après Rouge Rubis et Bleu Saphir. Le monde est en train de plonger dans le chaos. Assistez au grand final de la saga Phénomène. Gideon ! Vert Emeraude. Mercredi sur tous vos écrans. Et en ce moment, participez à la chasse aux émeraudes. Serez-vous l'un des 6 chanceux à découvrir une émeraude dans votre boîtier ? Avec Fun Radio. La protection de l'environnement est un combat qu'on a envie de mener avec vous. Alors, chez Intermarché, nous avons décidé de distribuer gratuitement 10 ampoules LED à ceux qui en ont le plus besoin. Rendez-vous sur intermarché.com pour bénéficier de ces 10 ampoules LED gratuites. C'est tous unis qu'on arrivera à réduire notre consommation d'énergie. Intermarché, tous unis contre la vie chère et pour la planète. Modalité sur intermarché.com. Sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi ? Bruno dans la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio ! Choc des générations et le casse du siècle. C'est ce qui arrive dans le prochain quart d'heure sur Fun Radio après Shakira. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can add it. Expected the way you right and left it, so you could keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. So sexy, I am a fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. The attraction, the tension, baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Ce petit air de trompette du lundi, il fait plaisir. C'était Shakira, à l'ancienne, un peu un Hips Don't Lie. Major Lazer, Cold Water, Jonas Blue, ça arrive là dans la demi-heure sur Fun Radio et puis le casse du siècle. Vous avez quoi? Bah vous avez 10 minutes pour vous inscrire, 32-28. Qui va partir avec nous à l'entrepôt Cdiscount à Cestas pour faire le casse du siècle? Bah vous allez jouer au jeu des 30 secondes là à nos côtés. C'est dans une dizaine de minutes sur Fun Radio, mais pour l'instant... C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Bruno dans la radio! Il a la classe! 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Pour l'instant, les amis, dans le coin gauche, accusant 12 ans à la pesée, dans le 78, il y a Lucie, du bruit pour Lucie. Ouais. Bonjour toute l'équipe. Salut ma jolie. Dans le coin droit, accusant 70 ans à la pesée, il y a Viviane, elle est à Athus, en Belgique. Applaudissements pour Viviane. Bonjour. Bonjour Bruno et toute l'équipe. Bonjour Viviane. Bonjour madame. Bonjour. Il n'y a plus de saison Viviane en ce moment. Oh là là. Ah c'est génial, ouais, je j'adore. Trouve ça excellent. Et Viviane, 70 ans en Belgique et donc tu écoutes Fun Radio. Ah oui, depuis très longtemps. Eh bien ça fait plaisir. Viviane, je vais te tutoyer et ne prends pas ça pour un manque de respect. Non. Mais là on est sur une compétition, je suis arbitre et à un moment l'arbitre il tutoie. Lucie. D'accord. Viviane, je vous rappelle... Le principe du choc des générations. Lucie, oui. Je vais te poser des questions de vieux. Oui. Des questions, normalement, auxquelles Viviane aurait les réponses. Viviane, je vais te poser des questions de jeunes. Celui de vous deux qui repartira avec le plus de bonnes réponses gagnera un iPad mini 4. Nous sommes d'accord ? D'accord. Alors Viviane, tu as 70 ans, tu sais qu'on pose des questions, les questions de vieux, c'est nous on s'est arrêté dans les années 80. D'accord. Dans les années 80, t'avais quel âge ? T'avais une trentaine d'années, quoi. Oui. Oui, oh, bah, oui. Ça marche, oui. Ça va le faire. Bon, et on commence avec qui ? Allez, on commence avec Lucie. Question de vieux pour toi, Lucie. Viviane, t'as dansé un peu là-dessus ou pas ? Ah oui. Ah oui, bien sûr. C'était avant les problèmes de hanche, hein. Oh, arrêtez ! Lucie, en 1987, la SNCF a lancé une carte portant le nom d'un fruit et qui permettait de voyager à moitié prix. Comment s'appelait cette carte, Lucie ? L'orange. La carte. Eh non, pas la carte orange. C'est pas ça ? Non, pas la carte orange. Ah, j'aurais dit ça, moi. C'était ça, vérification. Voici la carte kiwi, n'oubliez moitié prix. Kiwi ? La carte kiwi, ouais. Ah. Avec la carte kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Ouais, c'était la carte kiwi. Les pubs, elles tournaient en boucle à l'époque. Elles n'ont pas vieilli, ces pubs. Oui, c'est vrai. Tu ne marques pas de points, Lucie. Viviane ! Oui ? Question de John. Tu kiffes un peu de Joule, tout ça, Viviane ? Viviane, quel réseau social vient de copier Snapchat en permettant à ses utilisateurs de publier ses stories ? Un réseau social. Comme c'est la France, hein ? Non, et vous l'avez en Belgique aussi. Hein. Là, tu ne commence pas à me faire du raciste anti-français. C'est mondial. Oh là là. Viviane, c'était Instagram. Ah oui. Eh ben oui, Instagram. J'ai un Tinder, mais j'ai pas Instagram. Question de jeune pour Viviane, ça n'a pas marché. Question de vieux pour Lucie, tout de suite. Lucie, 12 ans, est-ce que tu es prête ? Oui. Qui chantait ce carton de 1984 ? Stéphanie de Monaco. Oh, oh, les sympos, les sympos. C'est un incendie qu'on est plus comme un ouragan. Ça vous avait manqué, vous, ce son, vraiment. Vous êtes sérieux. Eh, Lucie, tu marques le premier point de cette rencontre. Viviane. Viviane, il faut te rattraper. Viviane, deuxième question. Question de jeune pour toi, Viviane. Quel DJ, Viviane, cartonne actuellement avec ce titre ? C'est pas Ken Aravan ? Qui ça ? Hein ? Qui ça ? Comment tu l'as appelé ? Comment tu l'as appelé, Viviane ? Ken Aravan. Kenavan. Kenavan. Oui. Ah, tu veux dire Kev Adams, peut-être ? Voilà. Ah oui. Kenavan. Oh putain. Alors, alors Viviane, mais ça part d'un bon sentiment, Viviane, mais Kev Adams n'est pas DJ. Non. Oh. Il est acteur. Il est humoriste, Kev Adams, qui va venir dans l'émission bientôt, ouais, d'ailleurs. Ah bah, dans quelques jours même. Avec Gad Elmaleh. Viviane, tu ne marques pas le point. Ça, je suis désolé. Lucie ! Si tu as la bonne réponse à la question que je te pose maintenant, tu es sûr de gagner l'iPad Mini 4. D'accord, Lucie ? D'accord. Oui. Attention, son des années 80. Dans quel film des années 80, un des personnages principaux ne cesse de répéter « Nom de Zeus !» Ça repasse souvent à la télé. Ouais. Tous les ans d'ailleurs, je crois. Je m'en rappelle plus. Oh, quel dommage. Retour vers le futur. Ah oui. Avec Marty McFly. On va vous jouer un bon vieux rock, bien rétro. Enfin, c'est-à-dire. Là d'où je viens, c'est un vieux rock bien rétro. Si on pouvait éviter de regarder le film en entier, par contre. Ouais, je sais que du boulot. Bien, mais... Viviane, tu peux égaliser sur cette dernière question. Est-ce que tu es prête, Viviane ? Oui. Question de jeune pour Viviane. Allez. Quelle série qui cartonne sur Netflix

l'instant l'actu avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo de ce lundi 19 septembre. Un ciel couvert pour presque toute la France avec de la pluie entre l'Alsace et le Massif central. Du nord à l'Île-de-France, le soleil brillera en revanche dans le sud-est, mais le Mistral et la Tramontane souffleront. 13 à 16 degrés pour les températures du matin. Dans l'après-midi, comptez 17 à 20 degrés jusqu'à 25 en Méditerranée. Des adolescents qui voulaient faire le buzz, selon le magazine L'Obs, deux jeunes hackers de 16 et 17 ans sont à l'origine de la fausse alerte attentat de samedi à Paris. Le parquet a ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires et divulgation de fausses informations afin de faire croire à une destruction dangereuse. À plus cher que prévu, le secrétaire d'État aux transports a annoncé hier une hausse du tarif des péages pour la période 2018-2020, plus 0,4% par an. Une augmentation qui s'ajoute à celle déjà présentée. Le gouvernement recherche des fonds pour financer un plan d'amélioration du réseau. L'été est derrière nous, l'occasion de préparer ses vacances d'hiver, mais la France n'est plus la première destination mondiale pour le ski. Notre pays est détrôné, selon Domaine Skiable de France ce matin, par les États-Unis, avec 2 millions de journées ski de plus. La contre-performance de l'hiver dernier s'explique par un démarrage très difficile en raison de l'absence de neige à basse et moyenne altitude. 38 prix pour Game of Thrones dans l'histoire des Emmy Awards. La série devient la plus titrée de la cérémonie hollywoodienne. Elle a remporté 4 trophées cette nuit, dont celui de la meilleure série dramatique. En football, on jouait hier soir la fin de la 5e journée de Ligue 1. Marseille et Lyon se sont quittés sur le score de 0-0. Match nul 1 partout entre Nice et Montpellier. Victoire de Saint-Etienne face à Bastia 1-0. Monaco est toujours en tête du classement. Enfin, 28 médailles, dont 9 en or. La France a terminé les Jeux paralympiques de Rio, 12e au classement des médailles, mais un score inférieur à celui de Londres en 2012. 8h34, bon réveil sur Fun. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Oui, il a la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. 8h34, merci d'écouter Fun Radio, la radio de Major Lazer. Fun Radio, la radio qui vous a fait découvrir Perfect Strangers des Jonas Blue. Ça va arriver à 9h moins le quart. Mais pour l'instant, on joue. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Pour jouer avec nous ce matin, il y a Jérémy, 28 ans. Il est bordelais, il est mécanicien. Applaudissements pour Jérémy. Salut Bruno, salut la famille. Salut! Bienvenue sur Fun Radio, Jérémy. Tu joues face à Anna, 22 ans. Elle est lyonnaise, secrétaire juridique. Applaudissements pour Anna! Salut Bruno, salut tout le monde! Salut! Salut. Bonjour Anna! Anna! Les amis, si vous êtes là ce matin, c'est que nous avons une mission pour vous. Jérémy, Anna, vous allez gagner la possibilité de partir avec nous. Nous allons faire l'émission en direct de l'entrepôt Cdiscount de Cestas. Et si vous gagnez ce matin au jeu des 30 secondes, nous vous emmènerons avec nous. Et vous aurez une minute à votre disposition dans les entrepôts pour faire le casse du siècle. Une minute durant laquelle vous pourrez prendre l'intégralité de ce que vous désirez. Le tout, c'est que ça se fasse en une minute. D'accord ? Ah, c'est génial. Ok, ça marche. Plusieurs ordinateurs, plusieurs iPhones, je sais pas, moi. Vous pouvez sortir un frigo américain, vous le sortez. Vous avez une minute. D'accord ? Ok, ça roule. Jérémy, Anna, c'est du gros cadeau, ça n'a jamais été fait en radio. Donc autant tout de suite vous associer avec quelqu'un susceptible de vous faire gagner. Je tiens à dire que pour l'instant, et j'ai le trophée dans les mains, le champion pour l'instant, c'est ma gueule. Oui, c'est toi. Donc ça veut dire que je suis obligé de jouer. Tout à fait, Bruno. Donc la question qui se pose, Jérémy, Anna, qui veut jouer avec moi? Moi, tout en place, je veux jouer avec toi. Anna, nous jouons ensemble. Jérémy, oui. Avec qui veux-tu jouer? Alors moi, je vais jouer avec la meilleure de tous les temps, je vais jouer avec Karina. Ah, merci, Jérémy. Tremble, Guillon. Ah, j'aime pas jouer contre Karina, elle est bonne, Karina. Oui, ça, on sait. Non, je parle au jeu, les amis. Ouais. Qui commence? Karina. Karina, ok. Karina, Jérémy, vous commencez. Karina ne connaît pas la liste de mots. On lui donne au moment où on lance le chronomètre. À toi d'identifier un maximum de mots. Jérémy, est-ce que tu es prêt? Ça roule, je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Ok Jérémy, aujourd'hui c'est le jour de la semaine, le premier jour de la semaine. Lundi. Ok, tu peux dire bonjour ou tu peux dire... Au revoir. Non, un salut. Autre... Ouais. Le fémur, c'est un... Le quoi? Le fémur, le tibia, c'est un. C'est un os. Ok. Quand t'es petit, tu traces des traits, des carrés sur le sol avec une craie. Tu joues à la marelle. Ok, ils peuvent être hallucinogènes. Tu peux en mettre dans une omelette. Ce sont des. Des œufs? Non, ça pousse par terre. Champignons. Tu peux faire ça avec ta tub. Ça. Ah, c'est l'hélicoptère. Hélicoptère. Ah, j'avoue bien joué. Voilà. Tu peux faire ça avec ta tub. Jérémy. Bravo, Jérémy. Tu as 5 bonnes réponses. 5, c'est bien, Jérémy. Ouais, pas mal. Ça nous met la pression, Anna. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse au moins 5 pour que tu viennes avec nous. À l'entrepôt Cdiscount. D'accord. Et il faut que je défende mon titre. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Top chrono, c'est parti. La pomme de terre, quand on l'écrase, ça fait de la... La purée. Oui, c'est un animal avec des épines. C'est pas un porc épic, c'est mon un... Temps. Oui, très bien. C'est de sauvetage. Quand tu tombes en la mer, on t'envoie une... Oui. Oui, très bien. De la Concorde, c'est à Paris. C'est un endroit où on peut garer des voitures. C'est là. De la Concorde. La place. Oui, très bien. Une boisson au chocolat, qu'est-ce qui fait le chocolat? C'est du... Oui, très bien. On fait des analyses dans un où il y a des tubes à essayer. Oui, très bien. Un ours en... Oh là là là là. Oui. Mais combien, qu'est-ce que combien, c'était combien, beau. 6. Ouais. Bravo. Bravo. Alors, Anna, tu es notre première recrue. Anna. Tu oui. vas venir avec nous à Cestas en Gironde. Ouais. Tu auras une minute dans l'entrepôt Cdiscount où tu pourras prendre tout ce que tu veux. Et quand je dis tout ce que tu veux, c'est tout ce que tu veux à partir du moment où tu peux le porter ou le faire glisser sur le sol où tu te démerderas mais t'auras une minute. D'accord Anna? Ah c'est génial, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup, je vous adore, je vous kiffe. Bravo, je te fais des bisous ma belle. Jérémy. Ouais. Ça n'est que partie remise. Je suis désolée oui, Jérémy. Toi aussi tu peux aller t'inquiète Karina. Tu peux aller chez Cdiscount Jérémy, mais faut payer par contre. Ouais, mais je paierai chez t'inquiète. Non, en revanche, Jérémy, tu peux venir assister à l'émission hein, et si vous voulez faire comme Jérémy, c'est bruno@funradio.fr. Ah, vous pouvez être dans le public, tout bien à sûr fait. Et encourager ceux qui viendront faire le casse du siècle. Mine de rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je garde le titre de champion. Ouais, mais elle a été forte aussi Anna, c'est grâce à elle. Major Lazer Cold Water, c'est tout de suite sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. Cause we all get lost sometimes, you know. I will still be patient with you. Il y a Laetitia, hashtag Bruno Fun Radio, qui vient de poster « J'aimerais trop faire le casse du siècle, mais comment on y va quand on n'a pas le permis pour aller à Cestas, à l'entrepôt Cdiscount ?» Laetitia, on vous paye le transport et l'hébergement, si vous gagnez. Bien sûr, on vous emmène avec nous, on vous paye l'hôtel. On n'est pas des yinches. On rejouera demain. Je sens que vous kiffez ce truc. En même temps, ça n'a jamais été fait en radio, mais on essaye, voilà, tous les matins, de vous apporter de nouveaux délires. Yanis, c'est notre loser du jour, en mode vie de merde. Là. Yanis, il a 20 ans, il a Angers. Il a fait une connerie en cours et son prof a pété les plombs. C'est quoi la connerie? Il va nous en parler en direct sur Fun Radio. Puis il y a Jonas Blue qui arrive. À tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Save me, save me. The Parakeets. Feder. Sound of Ledger. Felix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Sonia est songeuse. Le collège n'est pas encore fini, mais elle sait que pour intégrer les meilleurs établissements du supérieur, il faut un excellent niveau d'anglais. Et elle, elle a fait allemand LV1, la grande mode dans les années 80. Pas idéal pour faire progresser Eva, sa fille. La scolarité peut être compliquée, pour les enfants comme pour les parents. C'est pourquoi Acadomia propose à votre enfant des cours d'anglais, certifiés par les examens Cambridge English et reconnus par les grandes écoles et les universités à l'étranger. Plus d'informations sur acadomia.fr ou au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit, du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Va, mon héros, va chez Leclerc. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. This is Lara Croft. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Le salon français du jeu vidéo du 27 au 31 octobre 2016 à Paris Expo, Porte de Versailles. Venez découvrir en avant-première les jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année. À la Paris Games Week, le jeu vidéo fait son show. Avec Fun Radio. Ok. Fun Radio. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son Dance Floor. Hey! l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. 8h48, c'est Fun Radio. Bon réveil la famille. C'est lundi, c'est le 19 septembre. Il y a Jonas Blue là qui arrive. Je suis en train de regarder vos commentaires sur la petite vidéo qu'on a fait, qu'on a mis en ligne ce matin. On a détourné le film Ocean's Eleven, vous savez, ce film sur le casse du siècle à Las Vegas, avec George Clooney, avec Brad Pitt, avec Julia Roberts. Et on a mis nos voix à la place des comédiens avec Matt Damon, etc. Et ça vous fait bien marrer. Je vous cache pas que la voix de Nicolas de Pervers, dont, avec le visage de Brad Pitt, ça fonctionne. Moi, ouais, je sais faire qu'une seule voix, de toute façon. Donc, c'est celle-là et puis c'est tout. Ça me fait rire. Je suis pas contre Lou encore. C'est très très con. Et puis, et George Clooney qui pète aussi, on a fait péter George Clooney, ça me fait rire. On vous met ça sur la page facebook.com/Bruno dans la radio, c'est sur Twitter aussi, vous le retrouverez, avec le hashtag Bruno Fun Radio. Bonjour Yanis! Salut Bruno, salut l'équipe. Salut. Yanis, t'as 20 ans, t'es à Angers, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Yanis, t'es un peu notre loser du jour. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, moi, il m'arrivait une grosse couille avec mon professeur. Alors, je vous explique. Alors, en fait, on était en cours, et je m'amusais à freeze le vidéoprojecteur avec une application qui est connectée. Je sais pas si vous voyez. Non, mais c'est le même principe que Vacher. Il nous avait arrêté la télé avec son portable. Il pouvait maîtriser avec. Exactement, c'est exactement la même chose. Sauf que moi, je peux faire pareil avec le vidéoprojecteur. Le prof faisait son cours. Et puis, genre, moi, je m'amusais à friser, à mettre en gel, à déplacer l'écran, à l'éteindre et tout. Ah. Et genre, à un moment, il a pété un plomb. Il a hurlé dans tous les sens. Et puis, bah, il m'a crié avec mon téléphone. Et du coup, il l'a pris. Et puis, bah, il l'a tèche par la fenêtre, en fait. Mais non. Et ouais, tu sais quoi. Si. C'est bien fait pour ta gueule. Bah oui, en même temps, je peux comprendre. À un moment, les gars, la vie est une jungle. Moi, tu sais quoi ? Moi, je vais être honnête avec vous. Et attention, ça va pas en plaire à tout le monde ce que je vais dire. Oh là là là, attention. Vous voulez foutre le bordel en cours, d'accord ? Vous voulez pourrir la vie des profs ? Qu'à cela ne tienne, c'est vous et votre conscience. Mais acceptez en retour que les profs aussi peuvent à un moment vous clasher, etc. Ouais, c'est disproportionné là. C'est pour ça que je suis pour le port des armes à feu pour les professeurs. Les mecs qui pètent les plombs. Mais non, mais en fait, c'est pourquoi, Yanis, c'est pourquoi je te dis ça. Ma soeur, ouais. Ma grande soeur que j'aime, elle est prof de SVT. Mais oui, au c'est lycée, normal, d'accord. C'est le grand frère qui parle. Et donc, du coup, ouais, oh, des fois, elle me dit, ouais, tu sais que tu peux être relou quand t'es élève. Je sais, je l'étais. Donc, c'est pour ça, à un moment, il faut accepter que, quoi, tu vois, tu fais le point avec ton téléphone, il a chopé ton téléphone, il l'a balancé, t'as joué, t'as fait. Mais le truc, c'est qu'au départ, moi et la classe, on croyait vraiment qu'il y avait jeté un bouchon ou qu'il avait fait semblant, quoi. C'est quoi ? Et moi j'ai mieux que toi, Yanis. Moi j'ai un pote à moi. Alors je te parle de ça. Tiens, assis-toi, viens sur mes genoux. Je vais te donner des Werther's originales. Moi je te parle de ça. C'était dans les années 80. Ah, oui. J'étais au collège, donc forcément ça remonte à il y a longtemps. Oui. C'est quand on devait écrire avec une plume et un encrier. Oh je sais non, quoi. On gravait sur du marbre. Ah, d'accord. Et donc j'avais un prof de dessin, d'accord, qui s'appelait Monsieur Mayer. Ouais. D'ailleurs, je m'en souviens très bien. Le mec, je l'ai eu pendant plusieurs années. Il a été habillé pareil pendant plusieurs années. Il avait un jean et un pull bleu col roulé. Toujours le même. Ouais. Ah. Et donc, ce gars-là, un jour, à côté de la salle de cours, il y avait un petit terrain, tu vois, de handball où on joue au foot. Et il y a un pote à moi qui était au dernier rang et qui regardait les mecs jouer au foot. Et je vous jure que cette fois, je m'en souviens comme si c'était hier. À un moment, le prof est arrivé à côté, il lui a dit « Ça te branche, les gens qui jouent au foot, c'est plus intéressant que mon cours. » Et le mec a fait « Ouais, ouais, genre. » Il a ouvert la fenêtre, il l'a défenestré. Je vous jure que c'est vrai. J'ai ri 14 ans. Ah bon. Vous étiez à quel âge ? On était au rez-de-chaussée. Ah. Mais il a balancé l'élève par la fenêtre, et il a balancé son cartable et tout. Le mec était comme un con, il est tombé dans la palissade et tout. C'est ma soeur. Yanis ! Ouais. Bon, t'as réussi à récupérer ton téléphone vu que tu m'appelles avec. C'est un moindre mal. Non, même pas, c'est un truc de dépannage. J'ai un vieux Nokia en bois là. Et ben ça t'apprendra à respecter les profs en cours. Moi je vais la faire avancer cette France. Papa Bruno. Ça suffit maintenant, ça suffit les conneries. Oh. Moi je veux l'élite de l'élite. Voilà ce qui va se passer. Maintenant, on va se dire qu'on va tous ensemble travailler à l'école. Oh, on va tous ensemble avoir nos bacs à lauréat. On va tous ensemble faire de grandes études et comme ça, nous serons tous ensemble après au chômage. Et puis c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Je te fais des bisous, Yanis. Bisous à tous. Bisous. Bonne journée, mon poteau. 8h53, c'est Fun Radio. Le JPI arrive, journal pour une image, faux journal de l'émission, sera la dernière édition de la matinée. On a un gros top 3 d'Eliott qui se prépare et tout de suite, Jonas Blue. You were looking at me. wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Bienvenue sur Fun Radio, c'est lundi, c'est le 19 septembre. Le JPI sur Fun Radio. Beaucoup de retours avec le hashtag Bruno Fun Radio sur le jeu des 30 secondes avec Karina qui tentait de faire deviner le mot hélicoptère. Bah ouais, mais c'est pas facile, hein. Ouais. Avec le mot top, t'as beaucoup de monde, hein, vraiment, qui se manifeste. JPI Journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer, accident au Kenya, un éléphant a écrasé un touriste qui voulait le prendre en photo. Faut la comprendre, elle n'en peut plus des paparazzi, Loana. Oh. SNCF, plus cosy, plus confortable et surtout capable de transporter plus de passagers, la SNCF a présenté son nouveau TGV. On n'arrête pas le progrès, hein. Si ça se trouve, il sera plus de retard aussi. Il aura, parce qu'il sera plus de retard. Ouais. Ça ne fonctionne bien évidemment pas. Ça va mieux sinon toi, au niveau du... Ça va. C'est fou, hein. Une phrase à dire toutes les heures, ouais, et hein. T'arrives à la foirer. Ouais. C'est con quand même. Puis c'est pas genre on est vendredi, quoi, on est lundi. Ah, ouais, mais lundi. Ouais. Et puis c'est pas genre on est fin mai, on est début septembre. Bon, hein? Selon une étude scientifique, regarder la télévision avec son conjoint est bon pour le couple. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony? Lâche ça, je te dis, il y a le foot sur beIN Sport. Que dalle, t'as déjà regardé le foot? On regarde les reines du shopping sur M6. Oh, Sarah, je l'ai mis un 10 sur 10. Le foot, je t'ai dit. Les reines du shopping. Magnifique. Lâche cette télécommande, connasse. Mais rends-la-moi, abruti. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être bon pour le couple. La suite. Les amis, ce matin, ça va, je voudrais rendre hommage. Et il y a eu Romy Schneider. Il y a eu Simone Signoret. Elles sont passées, les grandes actrices. Oh,

Journée chargée pour François Hollande. Le président assistera avec de nombreux membres du gouvernement et de l'opposition à une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme organisée depuis 18 ans par les associations. Elle se tiendra aux Invalides. Puis le chef de l'État s'envolera pour New York où il recevra le prix d'homme d'État mondial de l'année. Dans l'actu également ce matin, la fausse alerte attentat de samedi à Paris. Selon le magazine L'Obs, deux hackers de 16 et 17 ans auraient voulu faire le buzz. Ils ont utilisé la méthode du sweating, faire déplacer le plus de forces de l'ordre possible. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires et divulgation de fausses informations afin de faire croire à une destruction dangereuse. Les meilleures séries récompensées par Hollywood, la cérémonie des Emmy Awards se tenait cette nuit à Los Angeles. Game of Thrones est devenue la série la plus titrée avec 38 prix en 6 saisons. Elle en a gagné 4 cette fois, dont le prix de la meilleure série dramatique. Le football, match nul 0-0 entre l'OM et l'OL hier soir au stade Vélodrome. Les deux clubs n'ont pas réussi à se départager. En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, dans les autres matchs du dimanche, Saint-Etienne a battu Bastia 1-0, Nice et Montpellier ont fait un but partout, Monaco est leader. Le tennis, la France ne remportera pas la Coupe Davis cette année comme les 15 saisons précédentes. Les Bleus ont perdu en demi-finale hier contre la Croatie. Le capitaine Yannick Noah n'a pas encore confirmé sa présence pour la prochaine édition. 9h passé de 4 minutes, merci d'avoir choisi Fun Radio, c'est la suite et la fin de Bruno dans la radio, bonne matinée. Bruno on Fun Radio. Lundi c'est le 19 septembre, c'est Fun Radio, vous écoutez, il est 9h05. Bonjour. Merci d'avoir choisi Fun Radio, merci d'être là de plus en plus nombreux tous les matins. Fun Radio, le son Dance Floor qui vous a fait découvrir Sigala, DJ Snake. Let me love you. Petit Coldplay. Coldplay quand il remixe, il passe sur Fun Radio, ouais, c'est tout. Et Zara Larsson. C'est ce qui va arriver dans la demi-heure sur Fun Radio. Il y a Christina qui est là ce matin. Très transparente, Christina. Ah ouais, on n'a pas parlé ce matin. Ah bon, c'est vrai, bonjour. Mais, ah ouais, mais quand tu mets un haut comme ça, si transparent, mais un truc un peu sympa dessous. Quoi, bah non, j'ai genre mis un débardeur. Essaie d'avoir une poitrine en dessous, ça serait sympa. Je fais ce que je peux, Vacher. Comment ça va, mon Vacher? Ça va très bien, bonjour. Elliot, ça va bien? Oh oui, moi, tout va bien. Il y a quelqu'un sur Twitter, parce que vous savez que vous pouvez suivre la vidéo avec l'application Bruno dans la radio ou via funradio.fr. Quelqu'un qui dit bah tiens, Elliot travaille que au moment du top 3. Oui, et encore. Et c'est encore. Moi, je pense aux gens qui peuvent suivre l'émission via funradio.fr. On est les seuls, pour être très honnête, à ouvrir les portes du studio. Et vous pouvez regarder H24 ce qui se passe sur Fun Radio parce qu'on est en direct tout le temps. Et entre 6h et 9h, vous pouvez voir notre tête, etc. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire ici, en France, en Suisse, en Belgique, mais même à l'autre bout du monde, vous pouvez avoir un pied en France en regardant ce qui se passe dans le studio. Avec votre petite tablette, votre smartphone. Moi, j'imagine, je suis sûr de notre ami Teddy, qui est le fermier dans le Kentucky, qui nous écoute très souvent dans sa moissonneuse batteuse. Il doit nous regarder souvent via la vidéo sur son smartphone. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il se dit, moi, Teddy, dans ces cas-là. Oh yeah, I love it, man. You know, I take my computer and je les adore, vous savez. Je prends mon micro-ordinateur et je regarde l'émission. And I see Bruno, Christina. Et je vois Bruno, Christina, Vacher, Elliot. Je les trouve vraiment extraordinaires. Et vous savez quoi? Sometimes I got a banana in my ass. Et je les regarde en prenant ma banane au petit déjeuner. Just for breakfast, you know? Juste pour le petit déjeuner, bien sûr. Merci, Teddy. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Gracias mucho. Les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott. Alors, moi, tu sais quoi? J'ai fait un truc ce matin, je me suis fait mon top 3, moi. Ah, bah, vas-y, alors. Alors du coup, on va comparer pour voir, tu vois, si... Alors, numéro 3. Si t'avais sélectionné les mêmes. Numéro 3, t'aurais mis quoi, Bruno? Numéro 3, ouais. J'aurais mis la chanson sur l'infidélité à Paris. L.I.M. est mal placée, comme au Mastermind. D'accord. L.I.M. c'est pas en numéro 3. D'accord. Bon, alors numéro 3, non, moi, j'ai mis un extrait. En 1, j'aurais mis dans le choc des générations, la dame qui n'arrive pas à dire Kev Adams. Ah bah c'est là, c'est maintenant, c'est numéro 3. Ah, tu l'as mis en numéro 3, toi, d'accord. Là, pareil, bonne réponse, mais mal placée. Là, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est la dame qui n'arrive pas à dire Kev Adams dans le choc des générations. Choc des générations, vous savez ce que c'est. On prend un jeune face à un vieux, et là, ce matin, on a une auditrice qui avait 70 ans. Ouais, ça s'est entendu, écoutez. Voilà, et donc, du coup, forcément, ça s'est un peu entendu. Quel DJ, Viviane, cartonne actuellement avec ce titre ? C'est pas Kinavan ? Qui ça ? Hein ? Qui ça ? Comment tu l'as appelé ? Comment tu l'as appelé, Viviane ? Kinavan. Kinavan. Kinavan. Ah, tu veux dire Kev Adams peut-être ? Voilà. Ah oui. Kinavan. Oh putain. Alors Viviane, mais ça part d'un bon sentiment, Viviane, mais Kev Adams n'est pas DJ. Non. Oh. Il est acteur. Viviane, tu ne marques pas le point. Ça, je suis désolé. Puis l'avantage avec Viviane, c'est que même si elle est déçue, on sait que dans une heure, elle aura tout oublié. Oh, mais ça va pas, nous. Respecte un peu nos auditrices. Les personnes sagées. Non, mais c'est un point positif. Mais c'est ce que j'aime dans cette émission. Voilà, ça cartonne, t'as 12 ans, t'écoutes Fun Radio. Bah, t'en as 70, t'écoutes Fun Radio aussi, parce que ça te change les idées. Et puis c'est tout, elle était top, Viviane. Et c'est ça la famille. Ouais, Ken Evans. Quand il va venir, Kev, il faut absolument qu'on lui fasse écouter. Ah ouais. D'ailleurs, on peut le dire ou pas encore on peut le dire. C'est trop tard. Vous savez que Kev Adams et Gad Elmaleh vont monter sur scène. Yeah. C'est l'événement de l'année. Alors là, dans ces cas, je peux dire que toutes les radios de France viennent les voir en disant faites avec nous. Kev Adams, il a dit, bah, moi, si on fait avec une radio, on va le faire avec Fun Radio. Voilà. Donc, c'est Fun Radio qui est partenaire du spectacle de Kev Adams et Gad Elmaleh. Et donc, du coup, bah, ils vont venir en parler chez nous. Ah bah, et on est fiers. Et on aura l'interview. Le premier passage, ce sera chez nous. Ça va être très bientôt. On vous tiendra au courant. Les deux seront là. Je peux vous dire qu'il va falloir vous aiguiser en vanne, les amis. Oh là, bon, là, on va se faire battre à plat de couture. Enfin, moi, genre, je vais même pas tenter une vanne. Hein. Kev Adams et Gad Elmaleh dans le même studio. Ouais. Je peux vous dire qu'il va falloir, faire un entraînement intensif. Ouais. Bon, très honnêtement, autant que Kev Adams, j'ai entendu vaguement parler, mais Gad Elmaleh, je vois pas du tout. sans le vexer. Allez, numéro 2. Numéro 2. Vacher, tiens, pendant que t'es dans le coin, le numéro 2, j'étais obligé de remettre un extrait du Vacher Time parce qu'il t'est arrivé un truc qui ne t'est jamais arrivé en 4 ans. Ouais, en fait, je voulais faire un blind test, donc quand je fais écouter des musiques à des gens, je leur fais un quiz, etc. Et là, je suis tombé sur une mamie, en fait, qui avait la télé, mais je ne savais pas qu'elle était forte. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu une télé aussi forte. Et du coup, elle m'entendait pas. J'ai insisté pour lui dire de baisser la télé, ça marchait pas. Le mieux, c'est de réécouter un petit extrait de ce Vacher Time. Est-ce que vous pouvez baisser votre télé, s'il vous plaît ? Je vous ai pas compris. Oui, c'est normal, c'est parce qu'il y a Nagui qui parle fort derrière, il faudrait baisser un peu le son. Comment ? De baisser le son de la télé. Hein ? Il faut baisser votre télé ! Qu'est-ce que vous dites ? Baisser la télé ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai ? Vous êtes bien équipé en matériel audio, c'est quoi ? Du Thomson ? Si j'ai quoi ? Du Thomson ! Du Glocom ! Est-ce que vous avez du Thomson ? Non, je n'ai pas de Glocom, non. Allez, bon appétit, va. La pauvre. Génial. Du glaucome, alors j'ai cherché après, c'est un problème à l'œil. Ouais, c'est un truc sur le truc de vieux. Respecter les personnes âgées. Mais bien sûr, non, mais elle était marrante. Mais oui, mais c'est une petite mamie qui doit avoir des petits enfants, qui doit être adorable. Bien sûr. Tu vois, à Noël, qui doit leur offrir des. Alors oui, c'est souvent des crottes en chocolat avec un chocolat un peu blanchi et à l'intérieur une crème rose qui est pas bonne. Oh. Mais on est quand même content, voilà, mais ça va. Ça reste une mamie, quoi, d'accord. Oui, d'accord, elle te fait des bisous, ça pique un peu ses poils de menton, etc. Mais oui, ça reste une mamie. Oui, on tu est la content. Fais rigoler, elle fait pipi sur le fauteuil. Ça reste une mamie. Oui, elle va te répéter 8 fois la même chose. Bah oui. Mais ça reste une mamie. Ça sent la naphtaline partout dans sa maison. Et on se dit, quand t'es gamin, oui, ça fait chier d'y aller, machin. Non. Mais quand elle est plus là, on se dit, bah, c'était bien quand même bien l'époque où elle était ici. Donc exactement. Profitez-en. Numéro 1. Bien plomber l'ambiance. Hein. Voilà, super. Ouais, le seul truc, moi, je vous l'ai déjà dit, que j'envie aux vieux, c'est le dentier. Alors ça. Mais arrête avec ton délire de dentier là. Elliot, c'est le seul mec qui fantasme sur les dentiers. Mais je connais un peu l'hygiène bucco-dentaire d'Elliot, va. Quoi? Désespère pas, ça va arriver vite. Hein. Je pense que dans 10 ans, je suis chaud. Hein. Oh, tu sais quoi, à mon avis, d'ici 2-3 ans, hein, vraiment. Hein. Je vais me brosser les dents. Tendez-vous sur cette carie qui est cassée de tous les côtés là. Oui, bon, j'ai toujours au même endroit. Voilà, très bien. Et bah, tu sais quoi, ça se sent. En les plus, parois de la dent cassent une à une. Bon appétit, en tout cas. Non, mais tu sais que quand il va chez le dentiste, son dentiste ouvre la bouche et il y a un générique qui part. Mais non, mais il veut me poser une sorte de pivot. Il m'a dit il faut que je vous mette une vis dans la dent et vous mette une fausse dent. Bon. C'est même plus un dentiste qu'il faut là. C'est Marc Emmanuel avec toute son équipe. Il faut tout péter, récolter des fonds et tout reconstruire. Pas le choix. C'est ça. Il faut envoyer tous ensemble en fait chez toi. Allez, numéro 1. Numéro 1. T'en parlais, c'est la chanson sur Paris que j'ai mis en numéro 1. Tu nous as annoncé ce matin que Paris était la ville la plus infidèle. Au monde. Au monde. Enfin, les Français sont les plus infidèles du monde et en France, la ville la plus infidèle, c'est Paris. C'est Paris. Et depuis quoi? Allez, maintenant 3-4 mois, enfin depuis longtemps, le mot Paris vous fait déclencher un chant, une chanson. Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'elle a, celle-là, Christina? Non, mais tu parce que tu me fais rire. Quoi? Non, tu me fais rire, Elliot, c'est tout, tu me fais rire. Tu cherches la castagne? Mets l'extrait, Bruno, allez. Et je règle mes comptes avec Christina. Et la ville la plus infidèle de France? Bah, Paris. C'est Paris, non? Exactement. Paris. Paris, la ville infidèle, bien sûr. Et tout le monde le sait, t'arrives ici, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, c'est la ville de Paris. À Paris, à Paris. Les femmes trompent leur mari. À Paris, les hommes rentrent tard après le travail parce qu'ils culbutent. À Paris, tu réfléchis avec ton zizi et tu le ranges n'importe où, pas forcément dans le bon trou. Et tout ça, eh bien, c'est Paris. Et tout ça est improvisé, bien sûr. Ça s'entend pas. Moi, je trouve que sur ma phrase, ça s'est vraiment pas entendu. Il était 6h40. Les amis, on est parti. Bonjour la famille. Salut Mika. Salut. C'est Mika qui va vous accompagner jusqu'à midi ce matin sur Fun Radio. J'ai passé un super week-end. J'étais à Bordeaux. Je voulais le dire à Vaché parce que c'est sa ville quand même. Et c'est joli, très très beau Bordeaux. Bien sûr. Mais il a pas fait beau. Je suis dégoûté. Oh, c'est vrai. Oui. Bah écoute, envoie-moi un mail pour raconter tout ça. Hein, je t'enverrai mes photos. L'anecdote doit être tellement longue que je veux ressortir ce mail. Écoute, j'ai fait la dune du Pilat, c'était super joli. Quartier Saint-Pierre, génial le quartier Saint-Pierre. Avec les bars et tout. Ouais, c'était super. Par mail. Et bah y a pas de souci, on fait comme ça. Tu mets le petit onglet important. Qu'est-ce que c'est chiant. Vous êtes pas sympa avec Mika, il nous fait partager un peu sa vie et tout. Bah oui, parce que. Les gars, il arrive, j'étais à Bordeaux ce week-end, c'est dommage, il a plu. Ouais. C'est-à-dire que normalement, c'est les grands-parents qui parlent direct de la pluie. C'est le seul jeune qui commence une conversation par le temps. Mika, t'as un dentier? Non. T'es dégueulasse, Vaché, parce que tout à l'heure, je l'ai vu, il me fait « Ah, oh, t'as pas de bol, il a plu. » C'est toi qui m'as dit ça. Tu sais que, Mika, quand on a des amis comme Vaché, on n'a pas besoin d'ennemis. Fais-moi confiance. Allez, les amis, on sera là demain à partir de 6h. Mika vous accompagne jusqu'à midi. Bon, et parlons de choses sérieuses. Quelle est la seule radio qu'envoie ses auditeurs à Las Vegas pour le concert de DJ Snake? Ah, c'est pas Radio France, non. Pays Savoie. Non. Ah, merde, putain. Eh bah, c'est nous, c'est Fun Radio. Ah, bah, tu sais quoi? Ça me surprend pas. Voilà. Il fait quel temps en Savoie? Double fun avant midi. Bah, il pleut. Allez, bisous, la famille. Ciao. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. You give me